second to none. Buckle and wine, twist up your spine, shake your behind. Sexy girl, your body perfect, work up a sweat, man, love the way you sit. Sexy girl, boy, you know me look sweet, I could be the beat of your heart. Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl. Baby girl, I got billions. Oh yeah, give me chance, make you chop deep. I should do the Akaida. She said the old club on fire. We a body big like Bombardier. A body big like Bombardier. Not just friend, not just devil. They my free heart, feel you get devil. If you not just BS, not just trouble. Human being, not just devil. If we moving anti-social. Le before, le before. Pendant une heure, si je sens mix tes hits préférés sur Trace FM. It's about that time. What time is it? On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est non. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons, Sabri. C'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Ah ah. Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde. Ça y est, c'est le week-end. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes pas avec moi? Ah ça, je sais, c'est Hugo, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Hugo, il a déconnecté, tu sais. Ou alors c'est Tijo pour brancher les platines tout à l'heure. Il a déconnecté les micros des invités. Ouais. Bon, on l'a refait. Bon week-end. Ouais, c'est mieux avec vos micros quand même. Hein. Vous m'avez manqué de petites secondes. J'ai fait la petite seconde de solitude, en fait. On est avec nous dans le studio, évidemment, Sabri. Nissi. Hey. Mister Hugo. Yo. Tijo Sound. Yo. Radio. Yeah. Et la Miss Lilou également avec ses sex confessions de tout à l'heure. Bonsoir. Aïe aïe aïe. Elle arrive avec du piment dans la gorge. Et Mister Yannick. Ah oui, c'est moi, ouais. On a également en toile de fond sur les réseaux sociaux notamment, mais également avec nous dans le Trace Studio ce soir, les stagiaires. Alors pour ceux qui ont des prénoms et ceux dont j'ai retenu le prénom, c'est-à-dire un seul, bonsoir les stagiaires et Tikam. Voilà, je vais dire ça. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820-203-200, ça c'est le numéro de téléphone pour nous joindre à n'importe quel moment. Ce soir, on vous file des cadeaux. Ouais, tu as du cinéma, tu as du Tarus Riley encore en Martinique, ce sera le 30 septembre à l'Oasis. Et puis on vous offre aussi votre paire de Air Max. Au double hit, ça faut guetter 7 hits de Cécile et Yuji Mister Easy Dance For Me. Dès que vous l'entendez, 0820-203-200. Ça va retentir ce soir forcément parce qu'il y a au moins une paire, minimum une paire de chaussures qui est gagnée tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai entendu personne marcher à pas de bulle d'air. Ou je sais pas comment dire. Enfin bref, c'était bon comme ça. En fait, grosso modo, on a la boîte, il nous manque que la pointure. pointure. Il nous manque que ta pointure. Tu guettes le signal. Il est entre les deux titres. On te remettra les extraits dans la tête, histoire que tu ne rates pas ce moment. 0820 203 200. Weekend, ça veut dire qu'on va se lâcher encore deux fois plus sur la prog, deux fois plus sur le délire. Il y aura du cocoteur ce soir. Oui, si vous êtes sage. Et on appelle qui? Ah, je sais pas encore. On n'a pas besoin d'être sage pour être le cocoteur. C'est les cocoteurs, ils sont déjà suffisamment pas sages pour qu'on ait le droit de pas l'être non plus. Ouais. Ok. On aura du Hey Baby Allo. Yes. On a récupéré les numéros de téléphone. Ouais. C'est vous qui nous les donnez. Si vous avez autour de vous un des plus grands fans de Kalash, n'hésitez pas à nous donner son numéro de téléphone. Même le pire des détracteurs, il déteste Kalash. On lui fait parler à son idole. Ou tout à fait le contraire. Vous lui donnez les numéros de téléphone. C'est ça, le Hey Baby Allo. On a du monde pour démarrer également. Waouh. Alors déjà le prénom, j'arrive pas à le prononcer. Tu sais, c'est très rare, tu sais. Quand ça fait un petit moment que tu fais de la génération 9-7, tu as à peu près entendu tous les prénoms, tu vois. Mais celui-là, ça fait presque acteur américain. Ouais. Comment tu t'appelles? Cleven ou Cliven? Cleven. Maman. Un truc entre la Clio et les veines. Ou alors le clito et les veines. Je ne sais pas. Ça pourrait rester totalement anatomique. Bonsoir Cleven. Ah, j'ai envie de faire comme si on était américaine, tu sais. Bonsoir, bienvenue à New York City. On est avec Cleven on the radio station. Yo, how are you Cleven? Welcome to G97 Night Show. G97 Late Night Show. Ou alors en créole, le G97 nous pas couché chaud. Bon alors Cleven, t'es là pour quoi mec? T'es là pourquoi? T'es inscrit pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Il faut que tu te présentes un petit peu. Il faut qu'on fasse connaissance. On a un prénom original. On a peut-être un mec original. Et peut-être un mec qui a de la personnalité derrière. Mec, t'es qui? Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Je vais demander au standardiste. Laisse tomber. Il est là pourquoi? Il débarque en Dubi Quiz. Il attend des concurrents parce qu'il a envie de remporter la victoire. Il est sûr de lui. Mais une fois à l'antenne, je sais pas, je te sens hésitant. Ouais, et puis moi, j'ai trouvé que t'avais bien insisté sur le con de concurrent, hein, quand même. Hein. Concurrent. Il cherche des adversaires. 0820-203-200. On peut vous filer des places de cinéma pour aller voir le film de votre choix. Où vous soyez, Martinique, Guadeloupe, Guyane. On vous recommande Dans le Noir cette semaine. Ouh là là, la loup. Putain, ce film. Il est trop bien. Je sais pas, je crois que j'ai encore des séquelles. C'est pas Conjuring non plus. Hein. Ouais, mais c'est bizarre quand même. Mais t'as dû pleurer devant Conjuring. Moi, j'ai pleuré devant Conjuring. Si dans le noir, ça t'a fait peur. C'est quoi ton problème là en ce moment en fait? Tu cherches à pister tout le monde en fait en mode fragile. C'est pour te rassurer toi-même que tu as passé un cap en fait. Écoutez-moi, j'ai vaincu le cancer. Écoutez-moi là, plus rien dans la vie ne me fait peur. J'ai un nounours qui est fiancé à moi. Je vous emmerde tous, bande de vie misérable. Ça va Nessie? Tu peux redescendre un peu sur terre? Non mais ça m'étonne de toi. Tu sais, il y a des gens qui divorcent aussi parfois, hein. C'est Fais vrai. Attention. Donc, c'est pas mon cas encore. Voilà, mais oui, bah accroche-toi. Parce que t'es pas marié, c'est tout. Profite. Hashtag G97, hashtag Trace FM, des adversaires pour le Mister Cleven. On fera le petit point également. La Minute Johan, c'est désormais un rendez-vous dans Génération 97 depuis le début de semaine. Ça s'est très très mal passé cette rentrée du côté de Saint-Georges, Bainbridge et Jardin d'Essai. Un truc qui a ému toute la Guadeloupe, mais pas que la Guadeloupe, la Martinique aussi. La Guyane, parce que évidemment ces phénomènes de violence, eh ben on les connaît que trop bien aux abords des différents établissements scolaires. On a entendu pas mal de choses aussi du côté de Bellevue, qui est dans la même. C'est quoi encore le nom du lycée là juste à côté? J'oublie la technique, je l'appelle toujours, mais ils aiment pas que je les appelle technique là. Joseph Gaillard. Voilà, c'est ça, c'est Joseph Gaillard. Hein, il y a aussi Chachère maintenant à côté d'eux. Et voilà. Oh mon Dieu, pareil, même config, mais pour l'instant une rentrée un peu meilleure. Toujours est-il que on peut pas rester indifférent et tous les jours il se passe des choses parce que véritablement, je sais pas, c'est peut-être le déclic de plus, le déclic enfin pour que toutes les populations s'emparent de cette information. J'ai vu énormément de gens se mobiliser. Tous les jours il y a des choses à dire sur ceux qui ont fait quelque chose de différent pour que ça change. Et parmi eux il y a Saïk. Il a posé un petit titre qui s'appelle Hommage. Évidemment, en référence à Johan, mais c'est tellement valable pour tellement d'histoires dont on ne veut plus. C'est ça l'idée. Hashtag G97, hashtag Trace FM, vous débarquez au 0820-203-200. On branche les platines dans un petit instant. Et on sera en live Facebook également ce soir, histoire de vous présenter les studios pour la rentrée de la génération 97 dans la Trace Radio. Mani la fesson se yon doule ke jan e senti Flam alon fe, alon tou a ou kon e senti La vi ka koume lan mo, preskon si yon ring Diabla kare ou si yon li, ou ka pet fi ya ou si yon rix Ou pa mem ka imagine ki jan maman ka plere I pote ou nef mwa pou vwe a kezen jan ka tere Ti frè an pa te konet vou men ke an men ka senye Se yon zetoal an pli, sensyal la ka klere Kokain, heroin dan les organes Violence gratuite consiste à normal Pas à vous souffrir, ça qu'a fait mal Longtemps ça qu'a dit que j'ai de la c'est pour un portable Ayant senti que yo vin à pizia Yo pas savent si famille en j'avre misère Pour lever, pour profiter, yo bise crever Qui gâché, si y'a un homme pas ni valet devant couteau avec gâchette. La mort qu'a vain en sachet, c'est comme ça, ça qu'a mâché. Guadeloupe, pense à vous malade, on va souffrir en cachette. En nous ciser et posez-nous les bonnes questions. Est-ce un problème d'éducation ou de gestion? Dans tous les cas, faut nous nier en réflexion. Pour nous faire sa baille dans nous en direction. Allez, la vie pareil, jamais qu'on avant. Force et courage pour toute maman. Papa, on s'avire, mais faut être vaillant. Si t'es nous jusqu'à passer un moment. Sans la compter, la vie la coûte. Nous j'allais se croiser un temps périssé la route. Ma qu'a senti qu'elle m'a à bout. Mani espoir, on savent qu'elle en sortit en la boue. Mon cœur est en pleurs, je chante pour toi. Mon cœur est en Génération 97. Le soir, pendant 3 heures, prends le pouvoir sur Trace FM. Merci d'être là avec nous, c'est le week-end dans Génération 97. On branche les platines dans un petit instant. En fait, elles ont été branchées toute l'après-midi. C'est juste que le mec, il a droit à une pause syndicale d'environ 15 minutes. Ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est donc, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ta pause, c'est pas pour venir nous emmerder. Hein. Ta pause, c'est pour aller aux toilettes, respirer, manger quelque chose. Voilà quoi. Ouais, mais. Et certainement pas abîmer mon micro. Calme-toi, c'est bon. C'est pour ça que t'en as pas mis devant les platines. Tu vois, il cogne dans les micros. T'as vu, Hugo? Ouais. T'as vu? Et après, on se dit, pourquoi il y a un micro qui fonctionne plus? C'est Yannick. Non, certainement pas ça. Ça s'est entendu que c'était toi. C'était pas le bruit de ton, de mon micro. Mon micro. Ton micro, non, c'est ça. Il est trop beau, mon micro. Ouais. Il est magnifique. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 201 également sur le net www.trace.fm. Un petit coucou à Tigresse 222, à NonoBoss 212 ou encore à Teva qui nous rejoignent sur Snapchat Trace FM 97. Et quand tu dis Tigresse 222, tu veux pas l'appeler 222? Oui. On dirait des noms MSN, t'as vu? C'est énorme. Tigresse 222. Le mec, tu sais, genre, il travaille à la préfecture. C'est lui qui donne les plaques d'immatriculation aux bagnoles. On a des breaking news qui débarquent ce soir. On commence par parler de quoi dans les breaking news? De l'hommage à Johan de Psych. Yes. Alors, vas-y, explique-moi. Ouais, alors, il lui rend hommage dans une chanson. Il a salué la mémoire de l'adolescent de 15 ans, décédé suite à 7 coups de couteau la semaine dernière. Et il se dit touché par semaine, l'événement. Vendredi, tu changes de semaine. Toi, en fait, la semaine démarre un vendredi, quoi. C'était cette semaine. D'accord. Cette semaine. Oui. D'accord, ok. Alors, il dit touché par l'événement dramatique qui a frappé la Guadeloupe ce mardi 13 septembre. Je tiens à rendre hommage au jeune Johan. Cela me touche d'autant plus qu'il porte le même prénom que moi. Ouais. Il s'est exprimé d'ailleurs sur les plateaux de télé Psych. Et il n'y a pas que lui, il y a eu d'autres actions également. Admiralty a mobilisé un petit groupe d'artistes autour de lui. Ils sont allés à la rencontre de la communauté scolaire. Ils se sont baladés, ils ont essayé de réfléchir à haute voix, notamment sur les décisions ou alors les solutions qui pouvaient se présenter pour essayer d'améliorer les choses et que cette violence, on ne connaisse plus, ou des événements aussi dramatiques, on ne connaisse plus. Quoi d'autre ? On va parler de l'Algérie. Il y a un couple qui a adopté un enfant pour faire plaisir à leur mouton. Alors, c'est Mahfoud et Rabia, un vieux couple. C'est le nom du mouton, Mahfoud et Rabia ? Non, c'est le couple. Un vieux mais couple. Je sais pas, ce rythme-là, il s'appelle comment le mouton ? Le mouton s'appelle Radan, un truc comme ça. Radan ? Oui. Et c'est un vieux couple marié depuis 40 ans. Radan ! Sans histoire. Sans histoire et sans enfant. Et ils décident, après s'être attaché un petit agneau acheté pour l'Aïd, d'adopter un enfant. Pourquoi ? Parce attends, que le attends, mouton... attends, attends, attends. Ils ont acheté un mouton pour l'Aïd. Oui, mais finalement, ils se sont attachés à lui. Ils n'ont pas voulu le manger. D'accord ? Donc, c'est chancé. Donc, le mouton semblait être en dépression. Il avait perdu 10 kilos en quelques jours. Et ils ont donc entrepris les démarches pour adopter. Mais il faut se mettre à sa place quand même, le mec. Le mec, ils disent, était censé me tuer à une certaine date. Finalement, ils ont décidé de pas me tuer. Mais je les connais, ils vont avoir faim à un moment ou à un autre. Donc, le mec, ça passe dans sa tête en permanence. Le mec, ça tourne dans sa tête, il se dit, quand est-ce que ça va tomber ? Quand est-ce que ça va tomber ? Le mec, il perd 10 kilos, obligé de dépression nerveuse. Il a pas envie de grossir. Finalement, en perdant 10 kilos, on n'a pas envie de le manger. Bah ouais. Toujours pas. Il fait pitié. C'est peut-être une. Et comment il a pu exprimer en fait éventuellement à ses maîtres qu'il avait envie d'un petit frère ou d'une petite sœur ? C'est justement en maigrissant et en étant triste selon eux, triste. Putain, les gens voient ce qu'ils ont envie de voir. Hein. Je sais pas comment on voit qu'un mouton est triste. Il fait comme ça. Ouais. Alors qu'un mouton joyeux en fait fait D'accord. Un mouton excité il fait Et un mouton qui est prêt pour un vendredi soir, il fait On vient dans Génération 9-7. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi, vraiment... j'adore. Et t'as dit passage ? Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7, aussi dispo sur trace.fm. Ah, la rentrée, sa pression, ses préparatifs. Besoin de faire un break ? Burger King vous propose une petite pause gourmande avec son nouveau King Deals à 2,50€. En ce moment, les X-Cream sont à 2,50€ chez Burger King. Oreo, Kit Kat, Crumble et son choix de nappage fraise, caramel ou chocolat. Il y en aura pour tous les goûts. Une pause gourmande à petit prix, ça ne se refuse pas. Burger King, le goût est roi. Dans les limites des stocks disponibles pour votre santé, bougez plus. Trace FM. Trace FM, premier. Envie d'un nouveau smartphone. Envie d'un nouveau smartphone. Et du bon son qui cartonne. Et du bon son qui cartonne. Alors abonne-toi tout bonnement à une offre d'enfer. Le forfait ça fait bailler ses fers. T'as qu'à choper ton Alcatel Pixie 4, écran 5 pouces. Il est offert et pour un euro de plus, t'auras l'enceinte Bluetooth. La célèbre Disco 4, forfait ça fait bailler ses fers, c'est l'éclate. Dans la limite des stocks disponibles, kit main libre commandé. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre pour toute nouvelle souscription en portabilité au forfait SAP by SFR. Prix en formule Silver, engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Buy signifie part. Eh ben dis donc, on se fait plaisir là. Alors, toujours en vacances ? C'est vrai qu'à ce prix-là, on s'y croirait. Chez Burger King, le menu Whopper Junior est à 4,20€. 4,20€ ? Voilà encore un peu de vacances pour ton porte-monnaie. Burger King, le goût est roi. Pour votre santé, bougez plus. Sur les hits. Toute l'année, tu te poses des questions. Toute l'année, nous te donnons les réponses. Avenir au 97-300. Nos astrologues décryptent le futur pour toi. Avenir, A-V-E-N-I-R au 97-300. L'avenir se dévoile enfin. Tu veux savoir ? Envoie Avenir au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Le soir, entre 18 et 19h, en attendant l'arrivée de Génération 9-7, Hugo et Tijo Sound font monter l'ambiance. 18h, 19h, ne rate pas le before de Génération 9-7. 9-7, 9-7. Une heure de mix mixé par Tijo Sound. Oublie bientôt le collège. Le DJ officiel de Génération 97. Génération 97, le Bifort. En attendant ton show libre antenne, les hit traces mixés font gronder les basses toute la semaine entre 18 et 19h sur Trace FM. Trace. Premier sur les hits. FM, Génération 97, c'est fait pour toi. Merci d'être avec nous ces week-ends dans la Trace Radio. Tijo Sound, comme tous les soirs, derrière les platines dans Génération 97. On se lâche une petite session, vous réclamez vos sons. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On revient dans un petit instant avec du Hey baby, allô. Est-ce que je vous dérange? Et allô? Hey baby, allô. Tu veux que je t'insulte, c'est ça? Les nouvelles vont vite. Le Hey Baby Allo est connu de tout le monde. Est-ce qu'on va arrêter pour autant? Eh ben non. 0820 203 200. La guesson, là s'il vous plaît monsieur. Génération 97 en mode dans le tempo, en mode Friday night dans ta radio. Lâche-toi, réclame tes sons. On revient dans un petit instant avec du Big Quiz aussi. Big bad DJ. Pour pas moller le monde à place qui est mon girl. Tout ça savait qu'il y a nos car around the world. Pour pas moller le monde à place qui est mon girl. Caribbean girl, à nos car like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, cabayo mal tête. Dis qu'à mal parler, mais nous pièces pour l'aïe. Et si y'a des suspects, qu'on carré present girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité, que mon gang est biché on point. Caribbean girl, à nos car around the town. T'es mon passé, moi toujours qu'un step. Mon billet à ça qui a pété les têtes non-stop. Moi toujours qu'à venir que des different steps. Chaque son, mon cas sorti qu'à bailler different steps. Grand funky. Faut pas moller l'homme, mon cas flasque et mon girl. Toujours à savoir qu'il y a nos cas around the world. Faut pas moller l'homme, mon cas flasque et mon girl. Caribbean girl, à nos cas like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, t'as bailé au mal dead. Jeez, qu'à mal parler, mais nous pièces font l'œil. Et si y'a des suspects, mon cas représente girl. Mon cas bon, y'a bien les bandes d'un seul. Full money pour l'opo dans nos cas bassaï. Nous cas amusé, y pas j'ai gain pièce job. Dans nos rivières, une côté, y pas j'ai gain pièce flop. Mon cas bon, y'a bien les bandes d'un seul. Full money pour l'opo dans nos cas bassaï. Nous cas amusé, y pas j'ai gain pièce job. Dans nos rivières, une côté, y pas j'ai gain pièce flop. Faut pas moller là, mon cas flasque et mon girl. Avec y a nos car around the world. Faut pas moller l'homme au caflas. Y'a mon girl Caribbean girl. A nos car like the world. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. O-T, O-T, there's never much love when we go O-T. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. What is strength and guidance? All that I'm wishing for my friends. Baby, I down. Your pussy tighty, pussy tighty. Your pussy tighty, whoa, you're tighty. You love it, me love it, but when you ride me, set it up now. Come, girl. Take your time for the cocky, darling. See the funny, no girl, the cocky tough in her bed. See the funny, see the funny, see the funny cocky. See the funny, see the funny, see the funny cocky. FM. Tous les soirs dans Génération 97, il est derrière ses platines, Tijo Sound. On revient avec du Big Quiz dans un instant, on revient avec du Hey Baby Allo, du Canular au programme ce soir, des Breaking News, du sexe confessionnal également dans l'émission. Et surtout premier sur la liberté d'expression. So sweet and fine like mood. She comes in the morning mood. Still have her in my nighttime. Gives me hungover mood. But I don't care no mood. Let me know, let me know. Don't ever touch my dick. Yes, I be a sugar daddy. And she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You, I can never leave. Oh, have you seen my mood? So sweet and fine like mood. She comes in the morning. My name is Roberto. All right then. You mean that I'm not Paname. Intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, t'es sur bonne touche. Afro trap a marqué donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la soif, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec. Toujours titulaire comme Keita Sheik. Les négros en redemandent. Passe un coup de fil, y'a d'un peu frasur que moi. Tu me passes sur les réseaux, tu témoins mes clips. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. J'suis toujours en apnée. Ce bâtard je le sens pas. Tu te butes à la Yoka. On se bute à la peau. C'est la Champions League 7-5, c'est la Champions League 9-7, c'est la Champions League. C'est la Champions League 9-7, c'est la Champions League. 9-7, c'est la Champions League. 9-7, c'est la Champions League. Et ton papa. 9-7, c'est la Champions League. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Décidé à fumer le week-end là ce soir. Hashtag G97, hashtag Trace FM. 0820-203-200. Également sur le net www.trace.fm. Par texto, tu envoies Trace suivi de ton message au 97000. Yes, tu joues tout à l'heure. Génération 97. Le soir, il n'y a pas de limite. Yes, il n'y a pas de limite, notamment avec tout à l'heure la hotline des cocoteurs. On a du Hey Baby Allo aussi qui se prépare. Vous nous grillez de plus en plus. Ça devient de plus en plus compliqué, mais on ne va pas pour autant arrêter. Et allô? Hey baby, allô. Tu veux que je t'insulte, c'est ça? 0800 22 23 200, vous nous filez les numéros, on se charge de l'appel. Kalash au téléphone et dans le Hey Baby Allo, c'est tout à l'heure. Et il piège, si ça se trouve, quelqu'un que tu connais sur Trace FM. Si tu nous balances les numéros de téléphone en PV, 0800 22 23 200, pour nous proposer les coordonnées. D'ici là, nous allons jouer au Big Quiz. Big Quiz, baby. Yeah. Ladies and gentlemen, here comes the best game all over the world. And I really love this game. On accueille le premier candidat, Hugo, dis-moi. Ah, j'arrive pas à lire, c'est toi loin. C'est la seule excuse que t'as trouvé. C'est le plus jeune de l'équipe, mais c'est celui à qui il faut des lunettes. Cleven. Ouais, c'est ça, c'est Cleven. Salut Cleven, tu vas bien? Cleven. Yes, I... On a également le deuxième candidat qui est déjà en attente. Ah, ça c'est Manu, ça. C'est Manu. Eh ben alors Manu, qu'est-ce qui se passe Manu? Tu chies dans la colle Manu? Allez, je le rappelle. Non mais tu le rappelles pourquoi? Ben parce qu'il a pas capté que... Attends. Alors, mets-moi de côté, on va dire bonsoir à Evric. Il y a du bruit autour de toi, Cleven. Les gars, pas de nuisance sonore. Ou alors, ça peut faire très très mal. Nous pouvons vous mettre des amendes lorsque vous jouez. Ok. Balance du bacon sur les criquets. Recompose s'il te plaît le numéro de Mr. Manu en direct. Ça va Evric? Oui, ça va. Bah c'est cool, t'es là pour le Big Quiz aussi. Tu m'excuses hein, c'est toi qui attire un peu moins notre attention ce soir, parce qu'en fait c'est Manu qui fout la merde. Bouge pas, on l'appelle. Ça arrive. D'ailleurs on va l'attendre. On va pas commencer ce jeu sans lui. C'est pas possible. Ça fait 2 jours que le mec il veut jouer au Big Quiz. Son moment se présente, tu vois. C'est son tour. C'est now, tu vois. Et soit il est aux toilettes, soit il fait la vaisselle. C'est quoi ce bruit? Rappelle s'il te plaît, rappelle, recompose. Qu'a-t-il bien pu arriver à Manu en ce vendredi soir? On se pose la question. De Génération 97 va-t-elle réussir à récupérer Manu? Aux alentours de 20h, il y a des impératifs hein. Vendredi soir, il semblerait que Manu ne soit pas à son poste comme prévu. Pourtant, la distribution des rôles sur l'île a été claire. Pourtant, Manu n'est pas là, ce qui n'augmente pas le facteur confiance du reste de ses coéquipiers. Bon. À force de tomber sur messagerie, on ne peut que se dire qu'il est éventuellement du côté de l'île où ça capte pas. Peut-être dans une province quelconque, Saül, vieux habitant, ou rivière pilote. Où est Manu? C'est la question que tout le monde se pose. Maman, tu sais, ça faisait une pointe de technologie, mais on a toujours pas le mec. C'est galère. Je crois qu'on va le nominer, hein, les gars. On va se passer de Manu, hein. Une dernière fois, on lui laisse une chance. Ça sonne pas. Faut toujours laisser une chance. Oui, mais pas à chaque fois une dernière chance. Ah, moi, ce qui me concerne, il m'a vraiment beaucoup déçu, hein, Manu. Hein. On était prêts à partir sur les chapeaux de roue avec Cleven, avec Evry, qu'on est très prêts, tu vois, à jouer au Big Quiz. Allô ? Oui, désolé, petit souci de dernière minute. Manu, tu es nominé. Si dans cette salle, ils votent pour que tu dégages de l'aventure, c'est fini pour toi. Sabri, est-ce que tu nomines Manu ou pas? Je non, nomine j'ai Manu. D'immunité. Manu, tu viens d'être nominé une fois. J'ai mon collier d'immunité. Tu n'as pas ton collier d'immunité parce que violer un lézard, ça ne compte pas dans les épreuves d'immunité. Tu as simplement assouvi un désir très personnel. Lilou, nomines-tu Manu? Non. Oh putain, il est repêché. Que se passe-t-il? Nessie, est-ce qu'on garde Manu pour faire le Big Quiz? On garde Manu. Bande de garces! Je savais que la trahison aurait lieu dans notre propre équipe! On s'en sert à la constate avec son propre. Quant à ça Hugo, va et sexy. Hugo, tu peux inverser totalement la tendance. Est-ce qu'on garde Manu? Est-ce qu'on le dégage? On le garde. Oh putain! Ah ben oui! Tu as couché avec tout ça de monde dans mon studio. Bon, on te garde, on joue au Big Quiz. Ladies and gentlemen, le principe est simple. Votre prénom pour prendre la main. Okay. Une série de 5 questions. Reste concentré, pas de bruit, pas de nuisance sonore. Sinon il y aura encore des nominations. Et attention, plus que des épreuves d'immunité, il y aura des épreuves de souffrance. On y va pour la première question. Votre prénom avant de répondre à la question. First question. The first question. Le véritable prénom de Maître Gims, c'est Confucius, Mère Teresa ou Gandhi? Daniel. Vas-y Manu, vas-y. C'est le premier. Confucius. Mauvaise réponse. Maître Gims dans la vraie vie s'appelle Confucius. Confucius. Confucius, vas-y. J'avais pas compris, donc j'ai dit ça. Evric prend la main. Vas-y Evric. Tu dis que c'est la dernière réponse. Et oui, c'est bien Gandhi. Il s'appelle Gandhi dans la vraie vie. Deuxième question. Même Gandhi, ça fait bizarre. On reste concentré, ouais. Allô. Oui, mais où est-ce qu'il y a Cleven? Quoi? J'entends mal. Ah bah, il faut changer de téléphone ou déménager. Attends, juste un moment. Tu déménages. Allô. Là, on va pas attendre. Non. Putain. Voilà qu'on en nomine. C'est bon. T'es sûr? Parce que ouais. Je suis à deux doigts de lâcher la musique du feu de camp. Non, c'est bon. Bon, ok, ça marche. Je vois pas pourquoi ça vous choque que le mec puisse s'appeler Gandhi dans la vraie vie, en fait, Maître Gims. Ouais, ça se trouve, en plus, quand on donne un prénom, c'est quand l'enfant vient de sortir. Et si ça se trouve, il était tout petit et ses parents ont dit j'espère qu'il va Gandhi. Si ça se trouve, ça je dis rien. Bref, on en est à la seconde. Question, ladies and gentlemen. Second question. Quel petit gâteau aux œufs a une forme de coquillage? Le calisson, la madeleine ou le financier? Evric, on t'écoute. La deuxième madeleine. Oui, c'est la madeleine. Bonne réponse. Attention, on en arrive à la question locale. Qui dit question locale dit jingle. Local. Jingle. Local. Et ça paraît. Si. Attention, faisons peur aux éventuels touristes qui sont encore dans le pays. Malgré qu'on les a prévenus que c'est la période cyclonique, que c'est pas le bon moment, période des pluies, machin, etc. On y va. James et Moussier. Détective, rapidement prend. On y va pour la question locale. On y va. Martinique. Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est la question locale. Si et moi. How many people? Two people. How many people? Two people. Si wa. Je vous aime, vous. Bon, tu sais, on va pas tous les faire. Il y a tout là. Mais le mec, il a écouté Nostalgie toute la matinée, tu sais. Tiens, l'avoue. On y va pour la question locale. Quel est le plus célèbre des personnages du carnaval de Guyane? Est-ce que c'est le Touloulou, le Kalalou ou le Tombolo? Manuel. Manuel. Le Kalalou. Le Kalalou. Mauvaise réponse. Steven, pardon. Touloulou. Tu dis le Touloulou? Ouloulou, c'est bien la bonne réponse. Oh non. En plus, le Kalalou, je crois que ça se mange. Oui, le Kalalou, c'est un peu... Et le Touloulou aussi, hein. Ouais. Le Touloulou, je crois que c'est aussi Yannet, mais ça se mange, le Kalalou. Mais ceci dit, le Touloulou, je me demande, ça se mange pas, c'est le Touloulou qui te mange. Je ne me rappelle plus, en fait. Ça oui, dépend, parce que tu sais pas ce que c'est. Touloulou, c'est madame. Non, Touloulou, c'est voilà, monsieur. C'est oui. Voilà, donc en fait, le Tololo mange, et parfois, le Touloulou a tellement faim... Touloulou, fais! Touloulou, mange! Oui, le Touloulou, il se mange pas, le Touloulou mange. On enchaîne sur la question suivante, c'est parti, voici la fourth question. La question que tu fais postionner repart avec Fripo! Selena Gomez, c'est une chanteuse et actrice américaine d'origine cubaine, mexicaine ou portoricaine? Cleveland. Cleveland. Je sais pas, j'ai vu dans le premier, le dernier, donc. Je vais dire. Le deuxième. Non, le premier. Mauvaise réponse. Manuel. Portoricaine. Mauvaise réponse. Steven. Mais la deux. Qu'est-ce qu'il a dit? La deuxième réponse. Oui, c'est bien mexicaine. J'aime bien, tu dis ouais, comme si genre le mec, en fait, ils ont surtout procédé par élimination, hein, en fait. Hein. Voici la final question, c'est maintenant qu'on va connaître le nom du vainqueur de ce big quiz. On inspire, on expire, vous coupez votre respiration, tous les trois les gars. Vous ne reprenez pas votre souffle avant d'avoir répondu à la final question. Et ça veut dire que vous ne respirez pas pendant le jingle aussi. Final question. Final question. La question derrière laquelle? Il n'y en a pas d'autre. Celle qui te peut faire... En plus, avec quand tu bégayes, ça peut être plus long. Hein. On respire pas, les gars. On y va pour la final question. Final question. Le mot spaghetti en Italie signifie en français ruban, ficelle ou serpent? Manuel. Le deuxième. Oui, c'est bien ficelle. C'est donc Manuel qui remporte ce big quiz. Oui, Manuel. Finalement, on a bien fait de l'accepter. Putain, le mec, il revient de loin. Oui. Le gars n'a remporté aucun point. Il a failli se faire éliminer avant même le début du jeu. Et puis, il gagne. Ben oui. C'est incroyable, frère. C'est non, mais tu as un destin qui est tracé, mec. Tu as un destin qui est tracé. Je pense que la saison prochaine, tu vas faire les anges. C'est une carrière qui démarre, mec. Le mec qu'on n'attend pas, qui est là dans l'émission et qui au final rafle tous les suffrages. Bien joué. Bonne soirée avec quelle radio vous couchez tous les soirs, les gars. Bon, finalement, vous allez faire tous les trois les anges de la télé-réalité. Tous les soirs sur Trace FM. Ça vient. ça. Chez moi des sommes, mais on pense à rien les balcons. Chaque lèvre, on y est plus moulin, même si mon enfant est mouton. En cani décale, t'es l'enfant. Génération 9-7. Je crois que t'as parlé, t'as raconté les sexes. Je crois que t'as les mêmes sacs agissent, mais les femmes. T'es l'enfant, passe-moi, mais. Moi, t'es les mêmes sacs à détendre. Moi, y'a mes backshots. Miam, miam, miam. Salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, et là au cas, dis-moi qu'elle en vit moins. On préférait faire semblant pas tant. Sans m'y en cap être tant. Qu'a dit qu'elle en cap être tant. Tout ça cap en panique. Parce qu'on veut pas être fou tout tout. Tout tout tout tout. Tout tout tout. Yeah. Alors tout doucement tout tout. Tout tout tout tout. On laisse quand moi aller pour. On veut pas être fou tout tout. Tout tout tout tout. Tout tout tout. Yeah. Alors tout doucement tout tout. J'ai rien à vous dans le fond, parce qu'elle ou bien dans les formes. Moi, ni au mémoire d'éléphant, car son j'ai j'en fais fort. Moi, conquérir ou un aïe à fond, en suivant faire ça, il faut. Parfait love, on nous effondre, et pas faire moins vite fou. Y'all ou tellement belle, ou savent bien qu'elle peut pas dire ou non. Ni on celle qu'on vous en qui manie ou habilement. En radon cellule, en mode bon acquittement. Elle veut un coup de zèle, en veut éloigner ou qu'on papillon. Oui, regarde au magique, oui, ou c'est une mauvaise machine. Mais non, on veut pas rêver une relation réelle, qu'est-ce que t'imagines? Oui, ça qui est tragique, oui, on qui mal vive. Mais non, on pas un gamin qui est taillé si ou tardi. On veut pas être fou tout tout, tout tout tout tout, tout tout tout, yeah. Alors tout doucement tout tout, tout tout tout tout. On laisse quand moi aller pour. On veut pas être fou tout tout, tout tout tout tout, tout tout tout, yeah. Alors tout doucement tout tout, tout tout tout tout. On laisse des vies femmes pour vous. Génération 9-7, le week-end avec Hugo dans la Trace Radio. Yo! Sabri. Nessie et Lilou. Oui. On revient dans un petit instant avec du Hey Baby Allo. Il y a Ivry qui a décidé de rester avec nous. Il a envie de se réconcilier avec sa compine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va peut-être devoir faire un petit bisou, un petit câlin à sa copine comme le veut la chanson. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On revient également avec du Hey Baby Allo dans un petit instant. Et allo tu veux que je t'insulte, c'est ça? Restez avec nous, c'est le week-end sur Trace. Trace FM. En ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. Toute la journée, dès que tu entends ça. À la suite. Appelle-nous au 0820 203 200. Lance la trace roulette et repars avec ta paire de baskets Nike Air Max au pied. Plus d'infos, trace.fm. www.trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. Digilife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez Digilife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Tu as le bac? Tu es étudiant ou jeune diplômé? Et tu as un projet de création ou de reprise d'entreprise? Quel que soit ton âge, inscris-toi au dispositif Pépite, obligatoirement sur le site www.pépite-france.fr. En passant par Pépite, tu bénéficieras d'une formation et d'un accompagnement personnalisé à la création d'entreprise, tout en profitant des avantages du statut d'étudiant entrepreneur. Pour plus d'infos, envoie un mail à pépiteag@univ.fr. Active-AG.fr ou appelle au 0590 48 34 06. N'hésite pas à te lancer dans l'aventure et à remplir un dossier de candidature si tu as un projet qui te tient à cœur de réaliser. Ah, la rentrée, sa pression, ses préparatifs. Besoin de faire un break ? Burger King vous propose une petite pause gourmande avec son nouveau King Deals à 2,50€. En ce moment, les X-Cream sont à 2,50€ chez Burger King. Oreo, Kit Kat, Crumble et son choix de nappage fraise, caramel ou chocolat, il y en aura pour tous les goûts. Une pause gourmande à petit prix, ça ne se refuse pas. Burger King, le goût est roi. Dans la limite des stocks disponibles pour votre santé, bougez plus. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous du mois. 97 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances. Rencontre les vacanciers de la Mercury Beach à Sainte-Lucie. Une fois n'est pas coutume, c'est leur playlist qui est à l'honneur dans 97 People. Tous ont choisi le titre de ces vacances 2016. En bonus, les images des concerts de Machel Montano, Feyan Lions et Bungie Garlin. 97 People spéciale vacances. 97 People spéciale vacances. Lundi 26 septembre à 19h aux Antilles et 20h en Guyane. We love hip hop and R&B. Ce programme vous a été présenté par McDonald's. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DG. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. C'est le week-end et on est de retour dans Génération 97. Mana, ouais. Guada, Yana. L'équipe au complet, on se prépare dans un petit instant à du Hey Baby Hello. Ouais, c'est Kalash qui vous appelle sur Trace. Il appelle ses plus grands fans ou ceux qui le détestent et on regarde votre réaction. On vous attend également avec d'autres breaking news. On parlera de Tamilia tout à l'heure, une petite Saint-Martinoise qu'on connaît personnellement qui va participer à Voice Kid demain. The Voice Kid du côté de TF1. On parlera également de sexe ce soir. Dans le sexe confessionnel au programme, qu'est-ce qu'il y a? Attends, regarde. Tu sais, genre. C'est Sabri qui la perturbe. Non, c'est pas Sabri qui la perturbe, elle est sur son téléphone portable. Et elle parlait pas avec moi. Elle est sur Tinder. Regarde, c'est quoi l'application? Encore son BankFit ou un truc comme ça? Ouh. Ah ouais. C'est un truc. Ah, mais ça a l'air super sympa cette position. Attends, mais comment tu. T'as fait ça? Tu sais, avant. T'as fait ça? Pas encore. Avant, c'est le problème qu'on avait avec Keshi, tu sais. Keshi, il était tout le temps sur le porno et tout. Mais comme cette semaine, il est malade, tu vois. On peut pas se rendre compte que Keshi, tu vois, Keshi, il masque facilement, il éclipse facilement les conneries des autres. Hein, on va pas se mentir. Mais quand Lilou, là, moi, je suis flag sur toi, concentré sur toi, et je te demande de quoi on va parler dans le sexe confessionnel, et que tu es là, dans ton tinonnant, avec ton Tinder. Je te réponds que ce soir, dans le sexe confessionnel, on va parler des relations fantasmées ou existantes entre professeurs et... Maman, philosophie. Maman. La meuf, elle habille bien le truc juste pour pouvoir avoir la langue sale tout à l'heure. Bref, 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. On est toujours avec Evric au standard. Evric, t'as souhaité rester avec nous parce qu'apparemment, t'as des petits problèmes dans ta vie, explique-nous. Ouais... Qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, c'est qu'on a une petite accrochage, elle et moi, parce que... Le problème, c'est que je sortais du travail, j'étais énervé. Et elle est venue avec des trucs, et je lui disais, ouais, mais ça me donne plein la tête, là. Putain, elle m'a dit, ah bon, je te fais chier, putain. Ah ben ouais, mais ok, laisse ça pour vous. Emmerich, tu nous appelles de quelle commune, Emmerich? De Capec. De Capes. Capes Terre. À ne pas confondre avec Capes Dolé. Non. Il n'y a pas de problème. Evric, c'est juste que je me demandais en fait d'où t'appelles parce qu'on n'entend pas forcément très très bien. J'ai compris que tu t'es fâché avec ta meuf en fait. Ouais. Je sortais du travail, je t'ai dit. Et que je lui ai dit comme quoi elle est en train de me parler. Ouais. Comme ça, elle me prenait la tête. Et je lui dis, ouais, c'est pas le moment de me prendre la tête. Oui, elle m'a dit, ah, ok, je te fais chier, mais ok, laisse attendre, elle a raccroché. D'accord, ok. Ma question, c'est que c'est pas forcément très très grave. Alors, est-ce que tu veux te réconcilier ou alors est-ce que tu sens tellement ton couple en danger, genre tu nous appelles en mode fragile? Non. Tu sais pas, hein. C'est un peu des deux. Blocage. Tu as envie d'appeler ta meuf, en fait, là, ce soir, en direct. Et t'as pas d'unité, donc t'en profites, on l'appelle à ta place, c'est ça? Et on lui fait une surprise. Non, pas vraiment, mais comme moi, elle ne répond pas. D'accord, donc nous, on peut essayer de notre côté, et si elle nous répond, on passe le week-end avec elle? C'est quoi l'idée? Hein? Il met du temps à percuter, quand réfléchis, même. Hein. Réfléchis, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est... Non mais je vais te donner la réconcilier avec elle parce que je l'aime beaucoup. D'accord, ok, en fait, t'as envie de te rattraper. Et si on peut t'aider, ça peut être cool quoi. Très cool. Eh ben pas de problème, on va appeler ta copine. Petit bisou à ta copine. Petit câlin à ta copine. On s'en charge. Petit coucou à ta copine. On s'en charge. Alors attends, tu veux t'en occuper toi-même ou on peut participer, je sais pas, ou tu veux qu'on s'en charge? Ben, je vais participer, mais c'est sympa, pas de problème, je t'autorise. Alors, on a récupéré le numéro de la nana ou pas? On va essayer de l'appeler tout de suite, bouge pas. Bouge pas. Okay. C'est parti pour... Fais un petit bisou à ta copine. Fais un petit câlin à ta copine. Fais un petit coucou à ta copine. Elle s'appelle comment? Son nom n'est pas génial, mais pour le moment. Elle a quitté le pays. Évric, elle a quitté le pays. Ah bon? Tu l'as eu cet après-midi ou pas, Hugo, au téléphone? Non, du tout. C'est bizarre. Elle appelle tous les après-midi, Hugo. Hein. Mais c'est pour ça qu'on rattrape les problèmes. On réessaye, on recompose le numéro de téléphone. Comment elle s'appelle, ta copine? Lily. Ok. C'est son vrai prénom ou c'est le diminutif que tu utilises? C'est comme ça qu'elle préfère qu'on l'appelle. Mmh. Son prénom c'est Aurélie, mais elle n'aime pas qu'on l'appelle Aurélie. D'accord, ok. Je peux avoir son Instagram au passage? Comment? C'est quoi son Instagram? Allô? Attends, bouge pas. Lily? Allô? Allô? Lily? Allô, allô? Moi, je crois que le téléphone, il les passe pas, hein. Bon, mais on réessaye. Ouais, recompose, ouais. C'est bizarre, parce qu'en plus, tu sais, ça fait pas comme s'il y avait quelqu'un au bout du ligne, ça, de la ligne, ça fait comme si vraiment, il y a un espèce de silence un peu très numérique, tu vois. Le vide. Ouais. Un silence comme ça s'écrit, quoi. Tu disais... Je sais plus de quoi on parlait. Tu demandais son Insta. Elle n'aime pas qu'on l'appelle Aurélie, elle veut qu'on l'appelle... D'accord, ok. Ah. Allô? Allô, Lily? Lily? Allô? Lily, tu m'entends? Essaye une autre ligne, c'est peut-être la ligne qui déconne. Je sais pas. Ouais, des petits soucis de réseau, de standard, de... Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Doit-on nominer notre standardiste? Ah non, ah non, ah non, ah non. Tout le monde est sur un siège éjectable dans l'aventure de Traslanta. À n'importe quel moment... Allô? C'est quoi ce truc? Sabri pensait bien faire en remplaçant Keshi. Keshi qui malheureusement, en mangeant du poisson pas frais, a attrapé une gastro-entérite. C'est à la limite de la déshydratation que le médecin de Traslanta est intervenu pour le faire évacuer l'île. En attendant son retour, Sabri assume ses fonctions, ses responsabilités. Il prend tout le poids et la pression qu'incombe la tâche. Mais les autres membres du groupe ne sont pas satisfaits de son intervention. Va-t-il rester dans Traslanta? Vous le saurez dans une poignée de secondes. Mon nom est René Grognard. Maman René Grognard. Je l'appelle. Ouais, t'essayes de... essayer de l'appeler. Oh, tu l'essayes de l'appeler en conférence. Ouais. Bon, on statuera après sur le standardiste. Merci. C'est différé, c'est juste différé, mec. C'est déjà ça. Votre correspondant Orange est en ligne. Veuillez ne pas quitter. Please hold on. Your only correspondant will be back shortly. Yeah, votre correspondant Orange est en ligne. Veuillez ne pas quitter. Please hold on. Votre correspondant Orange est en ligne. Veuillez ne pas quitter. Please hold on. Le Orange correspondant. Hier soir, tu as écouté Trace FM. Ils ont fait le Orange Redeem for. Veuillez ne pas quitter. Please. J'attends le Jay and I King dessus. Elle me répond pas. Oh, c'est twist. Elle est complètement sèche avec moi. Non, mais c'est, je pense que même c'est foutu, mec. Je pense que là, concrètement, en fait, vous êtes le premier couple qui s'engueule de toute la planète. Que ce n'est jamais arrivé auparavant. Et tu sais, parfois, ces disputes, une seule suffit pour tout remettre en cause. Si ça se trouve, dans sa tête, ta copine, elle t'a nominé. C'est le mec, il a trouvé la chanson. Elle se dit, bon ben voilà, je cherche à quoi il était utile. Il faisait des bisous plutôt pas mal. Il était plutôt tendre. Mais quelque chose a changé. À force de mal manger dans l'aventure Traslanta, il m'a mal répondu. Mais non, quand même pas. Donc ce soir, je nomine mon petit copain. Oh. Mmh. On essaye une dernière fois, allez. Si elle m'a nominé, c'est pas la meilleure chose. Hein. Ah, attends, on essaye. Faut jamais perdre espoir. C'est ça les valeurs de Traslanta. Aller jusqu'au bout. Dépasser ses propres limites. Ça décroche, mais ça ne répond pas pour autant. Ouais. Nous n'entendons pas la voix de Lilou. Non. Lily, pardon. Je te manquais. L'aventure, pour elle et pour toi, pour l'instant, s'arrête là. Désolé. Bonne soirée, mec. Ok, yes. Tu nous tiens au courant en début de semaine prochaine, ok? Ouais, ouais. Yes, I. Bye bye. Bye. Putain, je vais être chiant, moi, avec une musique de générique. Je sens ça. Restez avec nous, Justin Timberlake, I Can't Stop the Feeling. On branche les platines. Surtout, Tijo se retrouve derrière. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Dans un petit instant, on a du Hey Baby Hello qui arrive. Évidemment, bah, vous nous filez les numéros de téléphone que vous voulez qu'on appelle. C'est Kalash au bout du fil. Qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, son numéro de téléphone, on le veut. Tu nous le donnes, tu nous l'envoies. 0820-203-200. Par texto, tu envoies Trace suivi de ton message au 97000 avec les coordonnées du bougou de la nana. Et puis ça marche également en PV sur les réseaux sociaux. A tout de suite. D'ici là, mets-moi de la musique qui respire le bonheur, frère. Yes, un truc comme ça, ouais. Say hallelujah. On est en vie. C'est le week-end. Hey, hey, pull up ça. J'ai parlé sur le monsieur. Maman. Oh putain. Ah ouais. Tu as défoncé quand même Justin Timberlake. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mets-moi ça propre, s'il te plaît. On revient dans un instant avec du Hey Baby Hello, à tout de suite dans la Trace Radio, bon week-end. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Puppet moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. Janeiro. Génération 97. Te gusta la fruta con esta mamazota. No te hagas que la bepa se te nota. Te gusta cuando muevo mi chapota. Perdón, dile a tu jefa que cuido si se sofoca. Soy peligrosa, tú me conoces. Entonces evitemos el roce. Por favor, evítame un problema. Siempre te aparece cuando bailo este tema. No te ponga bruti, baila. No te ponga bruti, baila. No te ponga bruti, baila, baila, baila, baila, dale. No te ponga bruti, baila. No te ponga bruti, baila. No te ponga bruti, baila. Dale, baila. El vibrador. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Dula, dula. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Te gustan que vibren. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Te gusta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Que vibren. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Está vibrando. Acelero. Tula, tula, tula, jet, tula, jet. I took it, re-took it. Saque y fialo. Yo tengo un letrón con Albe. Albe cabe alcohol. Albe cabe tuo. Albe vomicin. Albe babo. Albe cabe beti. Y me dice muy di. Tula, tula, tula, jet. Dola jet, I choke it. Sangre y alo. Dola, dola, dola jet, jet. Dola jet, I choke it. Ri choke it. Ibrahimo. Yalo, alle insta, snap, baby, Facebook. La nipple con kini, zami con Julie. Julie jolie, café plein selfie. Mais j'allais chaque photo, j'ai dit ça m'en fion. Saint Julie, café babo. Julie, café Betty. Donc obligé nous dire. Dola, dola, dola jet. Ibrahimo, Ibrahimo, Ibrahimo, Cavanio, Cavanio, Cavanio, Cavanio. Un carrito tirado por una mula, soporta PSG. Ibrahimo Vouch, Ibrahimo Vouch, Ibrahimo, Ibrahimo, Cava, Cavanio, Cavanio, Cava, Cavanio, Cavanio, Cavanio, Cava, Cavanio, Ibrahimo Vouch, Ibrahimo Vouch, Ibrahimo, Ibrahimo, Cava, Cavanio, Cavanio. La putu di allegrio, a jumuna cana putu di allegrio, dos ma. La putu di allegrio, a jumuna cana putu di allegrio. La funte, la funte. Ibrahimo Vouch, Ibrahimo Vouch, Ibrahimo, Ibrahimo, cava, cava neo, cava neo. Cavanio, Cavanio, Cavanio, Cavanio, Ibrahimo Vouch, Ibrahimo Vouch, Ibrahimo, Ibrahimo, Cavanio. Little moon, I got body, David, Luis, and City Gush. La surufufu, ne balasi, la playa, ne verati. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro lado. Leque, leque, leque, leque. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante. Quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho. Pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro. Qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Foi nas comunidades. Esse passinho já estourou. Dança até titia, vovó e também vovô. Mas preste atenção, agora vou te ensinar. O passinho do volante pra você também mandar. Ah, leleque, leque. Le Bifort. Le Bifort. Big up Tijoson, Big Bad DJ. This is the remix. Daddy Yankee, you know, ah. Look, I'm ready, mommy, I'm ready. man, manager, ya bad man, bad man. Ouye, man d'humanité, ka fou a man, ka run mood, méchant, méchant. Policeman, pa ka koui de yevwe, bad man, asé. Se yon tout peuple a yoye, pas yo pa ka viva dan, viva dan, viva dan. Maman paresse moi, y'a payé ya man encore. Si me nourri nous qui achete ne yo ka bay tso. Maman ka travaille à bol auto, y ka descend. Ça important, bye, passe papa pa la. En vrai la vie arrête, yo pièce la pa ka way. Plein ko, yo ka dou que c'est bon, yo ka fey. Ou pe pa faye, a pa cherche solution. Fey yon pa fey, yon pa fey, yon manje. Criye police man, manager ya bad man, bad man. Génération 9-7. Premier où était coulé tous les jours monter mon love. Parce qu'il y a ensuite là ni ça qui ni la dalle. Donc y'a pas on parle sous ni du mal à occuper au day. En pas qu'à chercher love, même pas content, mais j'en pas move, gal. Franchement galou ni feeling, galou ni feeling, what a galou ni feeling. Génération 9, pendant 3 heures, c'est nos limites, zéro censure, zéro censure. Génération 9-7. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-203-200 et également en live sur Facebook. Bonsoir. Yes, yes. Ça va traceur. Tranquille. T'as du mal à parler en même temps dans le micro et en même temps être connecté sur le live Facebook, non? Non, ça. Oui, oui, je suis en lag là. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-203-201. Prochaine demi-heure, on revient avec le top des flops de la rentrée des télévisions, les émissions qu'on va pas regarder cette année. Il y en a une chaîne qui cumule un énorme score, mais le bad score. On en parlera tout à l'heure. On reviendra également avec les cocoteurs. Est-ce que tu peux m'expliquer les cocoteurs, s'il te plaît, Hugo? On va sur les sites de rencontres, ouais. On chauffe les personnes. Ouais. Et après on les appelle en live et on leur fait dire j'aime bien quand il dit on en fait parce que c'est lui hein. C'est en fait vas-y montre-le bien que au moins les gens soient très très satisfaits quand même de se dire ah c'est lui qui m'a chauffé alors. Franchement, honnêtement, quand les gens ne savent pas qu'ils sont à la radio, ça fait un truc de dingue. Ils se lâchent d'autant plus et particulièrement sur les sites de rencontres. Autant le dire, c'est plus de la rencontre juste pour apprendre à se connaître et trouver avec quelqu'un avec qui passer un peu de temps. C'est que du sale. Ça sera tout à l'heure la hotline des cocoteurs. On va appeler Zizi 973 tout à l'heure. Ouais, mais le prévient pas. Il est caché quelque part en Guyane, quelque part, machin, et on va l'appeler tout à l'heure, restez avec nous. D'ici là, on revient avec d'autres breaking news, d'ici on parlera de quoi tout à l'heure. On parlera de la petite Tamilia. Oui. Qui est Tamilia? Petite Saint-Martinoise de 12 ans qui va chanter demain dans l'émission de TF1. C'est, je crois, Voice Kid. La version pour les enfants en fait, voilà, Voice ça. Kid. Il paraît qu'en fait le petit public en fait en métropole a énormément pleuré lors de sa première interprétation. Ouais. Et Tamilia, on la connaît un petit peu indirectement avec nos connexions à Saint-Martin. On aura d'ailleurs l'occasion de la voir au téléphone la semaine prochaine. Peut-être que c'est une vie hallucinante qui se prépare pour elle, un vrai talent à la clé. Ça sera demain dans Voice Kid. Et puis Lilou reviendra tout à l'heure avec son sexe confessionnal. Exact. Donc ce sera sur les relations élèves professeurs. Ah ouais. Ou consommer. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. D'ici là c'est Kalash qui nous colle un petit Hey Baby Allo. On appelle qui dans le Hey Baby Allo, Sabri? On appelle Patrick. Tu peux composer le numéro de téléphone? Non, le montre pas sur live Facebook s'il te plaît. Montre pas le numéro de téléphone. On compose. Ne montre pas le numéro de téléphone de la personne. Ok, c'est bon. On compose. Et allô? Hey baby, allô? Allô? C'est une blague. C'est toujours ton numéro. Je n'ai pas pu me retenir, je sais. C'est quelle radio qui fait ça? On m'a dit que t'as un enfant. Penses-tu à moi dans ton lit? Tu veux que je t'insulte, c'est ça? Essaye de m'en faire. Essaye de m'en

say she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. Shorty wanna rock, shorty wanna Shorty said ketchup, make you give me back shot. Shorty wanna rock, shorty wanna Ketchup, make you give me back a yes. Me and say 30 years in get like start telling. How you did that? How you did that? How you did that, dog? How you did that? How you did that, dog? How you did that? How you did that, dog? How you did that? How you did that, dog? How you did that? How you did that, dog? How you did that? A different thing, boy. Crosses, crosses. Where them a say, where them a chat about? On no free paper bun, come a plot now. Anybody chat, get blocked up. Get kicked up, get slapped up. Step. I got them a chat about. On no free paper bun, come a plot. Anybody chat, get blocked up. No, everybody a ask how we did that. How we did that, dog? How we did that? How we did that, dog? How we did that? How we did that, dog? How we did that? Applaudi, tete ka applaudi, chom ka applaudi, poupe ma de Claudi. Basta résonné, chatte la camiole, femme à la tête ka glissé côté yol. Le gars a une yule de sa tête. C'est nul, c'est nul. Son la déter des terres, son la déter des terres. Son la déter des terres, son la déter des terres. Papa craque. Mais ça tout paré pour que Pyroman basse zot en ragamuffin. Mais c'est mesdames, est-ce que ça paré pour que l'homme paie pas zot ragamuffin? Mais c'est mesdames, mais ça tout paré pour que le milito basse zot en ragamuffin. Mais c'est mesdames, est-ce que ça paré pour que Amiralty basse zot ragamuffin? Le mix slap, tu respectes that, the area real black. Ça qui pas connaître, tu pas connaître en patate. Show him respect, everybody boss a shot. Loud up merci. Bye chabon, vie en nouvelle génération. Bye chabon. Ni jeune qui ni bon ambition. Mi yon nouvelle génération. Est tout pour la marée pour les buts. Nous aimons den sol pas si ka fait nous bénin. Mix mes techniques qui est moins vétilien. Gal matéko pas fait qu'on si ou gêné. On s'avoue qu'à danser l'ennui de qu'on la journée. Flou la maladie ou pas qu'à comprendre rien. Oui victorieux qu'à goumé pour gagner. Fait fait ce qu'à fond dans les dix pas voyen. Ak des gens vous déy gal danser qu'on hawaïen. A fond la caisse gal. Fait sa monte et descend. Pas mêlant mi flex que de janvier à décembre. Génération 9-7. Le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM. DJ Tijo Sound qui était au platine, et même quand il est au platine, il peut y avoir du double hit. N'oubliez pas ces 7 hits de Cécile enchaînés à UG Dance For Me pour repartir avec vos Air Max sur place. Ça a pas encore retenti de la journée. Le titre absolument à guetter, celui qui démarre le double hit, c'est celui-là. Attends, tu le connais, tu l'as sur le bout des doigts, tu le whines par France. Je vais mettre l'extrait, t'embête pas. Voilà. Tu vois lequel c'est? Non, c'est la version sans refrain. Mais tu sais, c'est le truc qui fait set it, set it, set it, set it. Sinon, le titre qui s'enchaîne juste derrière. Entre les deux, il y a un signal. Et ça n'a pas retenti de la journée. Je le sens trop bien dans la fin de l'émission. 0820 203 200. Premier arrivé, premier servi. Et on vous offre votre paire de Nike Air Max sur Trace. D'ici là, on va faire un petit peu de questions. On a des cadeaux aussi à vous offrir, comme des places de ciné, par exemple, pour aller voir le film de votre choix. Où que ça se passe d'ailleurs, Mada, Guada, Yana. Le principe est super simple, en fait. Vous débarquez avec une réponse qui nous fait soit beaucoup rire, ça aussi, ça mérite des récompenses, ou alors la vraie réponse à cette question complètement ouf le soir. Oui, on va parler de la différence, on va se poser la question de la différence entre la façon dont les grenouilles et les crapauds pondent leurs œufs. À quel endroit, comment ils font? Est-ce que c'est de la même façon? Et si c'est différent, ben qu'est-ce qui est vraiment différent? Quelle différence entre la ponte des grenouilles et celle des crapauds? D'accord, ok. Ok, c'est Nat Geo Wild. Ce soir, c'est National Geographic. 0€. 0€. 0€, c'est 200. On a dit place à vous offrir également sur la Martinique pour Tarus Riley qui se produira le 30 septembre prochain du côté du domaine de l'Oasis. 0820 203 200. C'est quoi la majeure différence entre la ponte des tortues et la ponte des crapauds? C'est ça? Oui, c'est ça. Alors déjà, tu me mets dans un embarras parce que j'étais persuadé que le... Non, je le savais en fait. Je le savais dans un coin de ma tête. Mais c'est vrai que c'est pas forcément les sujets qui me préoccupent beaucoup. Mais le crapaud, pendant une très longue période, j'ai pensé que c'était le mâle de la grenouille en fait. Ah ouais. Alors que ça a rien à voir en fait. Mm-hmm. C'est un peu comme des cousins. Oui, voilà. C'est un peu comme deux espèces de singes différentes en fait. Mais il y a beaucoup de différences quand même entre les deux. Ouais. Mais c'est pas quand même des espèces différentes. Non, pas mais si éloigné que ça. Je pense pas qu'ils s'accouplent. Ah oui, non. Ah non, je pensais pas non plus au cheval et puis à l'âne. Mais non. Ça s'est fait. Mais ça s'est fait. Ça fait des mulets. Ça fait des mulets, ouais. Mais moi, ça me fait halluciner. Et même le cheval et le poney, ça le fait. Hein. Ça donne quoi, ça? Ça donne quelque chose de mignon. Un truc à l'animal domestique, quoi. On attend vos propositions pour la question con. 0820-203-200. Ludovic est chaud comme ça? Ouais, il est chaud. Ludovic, il vient de débarquer, ça y est, il croit qu'il a la bonne réponse. Attends, bouge pas mec, on va checker un petit peu. D'ici là, on va parler un peu télévision. On va parler un petit peu de la rentrée des différentes télévisions. Et surtout des émissions ou des séries qu'on va regarder ou celles qu'on va pas du tout regarder. Il y en a des quantités évidemment. Il y a des quantités de chaînes qui naissent chaque jour. Il y a surtout des quantités de programmes. Pour faire le tri, on a été un petit peu regardé. On s'est fait mal, on s'est fait saigner les yeux, hein, pour certaines d'entre elles. Et pour d'autres, y a quand même des trucs très très sympas. On va parler séries également. On commence par quoi? Alors on va commencer par les flops de la télé-réalité. Ouais. Ce qui m'a fait le plus mal, ce qui m'a le plus piqué les yeux, c'est Sorry, je me marie. En gros, ça consiste à filmer l'enterrement de vie de jeune fille et à faire une sorte de compétition. Un peu comme 4 mariages pour une lune de miel. Ouais, sauf que tu prends la soirée qui est normalement juste avant le mariage en fait. Et la soirée d'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon. Mais c'est cool ça. Pourquoi ça fait un flop? Ben gros flop parce que je suis sûr qu'ils n'ont pas réussi. Je suis sûr qu'ils n'ont pas réussi en fait à capter. Parce qu'en fait, le truc de l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon, c'est un truc super underground. C'est-à-dire que si concrètement tu invites une stripteaseuse pour ton meilleur pote qui se marie, à un moment ou à un autre, je suis pas certain que t'aies envie que ta femme voit ce qui se passe en fait dans cette soirée. Ouais. Donc en même temps, ça crée un espèce de malaise. Ça m'étonne pas en fait que ça marche pas si bien que ça en fait. C'est ça. Il y a trop de frustration au niveau des téléspectateurs. Ils sont moins de 48 000 à regarder. C'est le plus gros flop de la rentrée signé Énergie 12. Ouais. Et dans la même lancée, la chaîne continue ses flops avec le Mad Mag et le Mad Mag La Suite, respectivement à 148 000 téléspectateurs, soit 1,8% du public visé. Et pour le Mad Mag La Suite, c'est moins de 59 000 téléspectateurs. Ouais, en gros, la chaîne est en train de disparaître, quoi. Ah non, elle garde la tête hors de l'eau avec La Revanche des Ex, qui a un score tout juste correct pour la soirée de lancement. Moi, elle a fait 250 000 téléspectateurs. La seule sur laquelle j'arrive un petit peu à déconnecter le cerveau et je me dis, putain, je vais encore voir quelqu'un qui va s'illustrer dans la bêtise, c'est peut-être Les Anges, vraiment. Mais Les Ex, La Revanche des Ex, ok. Quoi d'autre? Après, dans les flops, le pire, c'est Énergie 12. Voilà. Ok, ça, c'est la chaîne. Ok, voilà. La chaîne a carrément cumulé la moins bonne rentrée de toutes, de toutes les télévisions. Okay. Après, dans les tops, dans les meilleurs démarrages, les meilleurs lancements, on a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Secret Story. C'est clair que, comparé au nombre de téléspectateurs, c'est en baisse, mais la plage horaire a été changée. Au lieu de passer à 20h50, c'est 23h30. Mais au niveau des parts de marché, c'est quand même 60% du public visé. Ouais, donc c'est soit mieux. Le meilleur score depuis 4 ans. Ok, c'est mieux pour eux. Parmi les séries là sur lesquelles on a accroché sur la rentrée, on parle de quoi? On commence par quoi? Human. Ok, c'est Human. Une histoire d'androïde. C'est sur Netflix. Ouais. Ok. Non, c'est HBO. HD1. C'est sur HD1? Oui. Ouais. HD1. Surprenant, hein? Ouais. C'est sûr. Ah, moi je regarde sur le web, je suis désolé, je sais pas exactement. D'accord, ok. Non, Non, le mec qui l'a mis sur le web, c'est le pirate. Mais moi, je regarde, c'est que. Ouais. Enfin, ah, tu regardes pas en streaming sur la chaîne. Non, pas sur la chaîne. Enfin bref, je t'expliquerai, je te montrerai. Bref, alors, ça parle de quoi, Human? Ben, ce sont des androïdes. Enfin, Sabri peut bien raconter parce que j'ai tout fait pour qu'il regarde la série. Je vais raconter la série que j'ai pas encore. Mais tu m'as dit oui, j'ai bien aimé. J'ai commencé à regarder. Mais c'est toi qui as tout vu. Il y a des androïdes que l'on peut acheter, effectivement. Ils sont. Ça se passe dans le futur. Ils sont dociles. Ouais. Ils sont dociles. Et puis, tu as les autres, les premiers prototypes. Qui eux ont des sentiments, sont dotés de sentiments et ont été un peu déprogrammés. Et l'idée un peu c'est le combat entre les humains pour garder en fait les androïdes comme des domestiques et le combat des androïdes pour essayer de se libérer du joug des humains. C'est tout à fait ça. Ah, okay. C'est une métaphore de l'esclavage. On a regardé aussi autre chose à la télé, c'est toi qui vas m'en parler, c'est The Get Down. Ouais. C'est une série en fait sur le début de la funk, du hip-hop. Et la fin en fait de la soul, ça se passe entre les années 70 et 80. Et ça met en scène des jeunes qui découvrent la musique, qui tombent carrément amoureux en fait du hip-hop. Et qui y en a certains qui mixent, il y en a qui slam, il y en a qui. C'est la naissance de la culture urbaine en fait. Ah ouais, mais c'est juste magnifique. Les le trap qu'on écoute aujourd'hui, il vient de quelque part, il vient un petit peu de là. Et les origines, carrément. En fait, c'est trap, rap, hip-hop origins. Et ça se passe dans une série qui s'appelle The Get Down. Il y a une immersion totale dans ces années-là. L'image est super bien travaillée et la musique, franchement, mais c'est énorme. Alors, je regarde une série en fait sur la naissance d'un super-héros. Alors, la vraie question, c'est Empire est-elle en danger? Alors, je sais pas parce que ça a l'air d'être un peu plus court. Là, il y a que 6 épisodes qui sont sortis pour la première partie. Apparemment, il y a d'autres épisodes qui doivent arriver. Mais là, pour l'instant, il y a que 6 épisodes et je sais pas si ça peut devenir une saga. Empire, c'est quand même bien plus étoffé. Et c'est déjà en télé, on peut voir ça quelque part. Sur Netflix. Ah d'accord, ok. Ah oui, tu vas apprendre à regarder la télé sur le web comme nous. Hein, ben oui. Hein, copine. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Empire qui a fait sa rentrée, évidemment, sur les premières aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de séries. Mais finalement, on n'en regarde pas tant que ça, en fait. On regarde vraiment ce qui nous intéresse. Et c'est vrai que dans notre univers, à retenir vraiment dans le classement de force, ça se joue entre Humans, qui cultive un peu notre imagination, et Get Down, qui cultive l'histoire en fait du hip-hop et de la musique qu'on écoute aujourd'hui. Un peu Empire, parce que Empire, en fait, comment s'appelle cette série où il y avait plein d'homosexuels là, tu sais, sur la musique, un peu j'oublie le truc qui a Glee. Ah oui, Glee. Voilà, Glee. Ouais, voilà, Glee. Et ben en fait, moi je trouve que justement par rapport à Get Down, et ben Empire, ça devient un peu le Glee en fait, c'est-à-dire le truc un peu mainstream, alors que le Get Down, c'est plus pur, c'est plus tranché dans l'art, c'est plus, tu vois, c'est plus légitime. Les deux parlent musique. C'est plus légitime. C'est pas pareil. Glee, ça me fait plus penser à Fame. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que Glee, il y a un côté un peu mainstream, c'est gentil, c'est mignon, c'est dans l'émotion, Et Empire, c'est un peu notre amour, gloire et beauté. C'est ça. Voilà. Tu vois, c'est exactement ça, en fait, Empire. Alors que je trouve que Get Down, il y a un côté, waouh, tu vois, il y a quelque chose. En plus, c'est de l'histoire. C'est du réel. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri d'entendre, peut-être, à un moment ou à un autre dans un épisode, la naissance d'un titre qui a véritablement été un succès. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Alors que la bande originale d'Empire est totalement inventé. Ah mais elle est bonne. Ça plaît à... Après, chacun son point de vue. Bien bon. Est-ce qu'il y en a parmi vous derrière la radio qui ont déjà regardé un petit peu Get Down? Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820-203-200. Get Down ou Empire? Est-ce que les deux vont cohabiter? Ou est-ce que il y en a qu'un qui va subsister? Lequel, selon vous? Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820-203-200. On a du double hit qui peut débarquer à n'importe quel moment. On a également le cocoteur qui débarque tout à l'heure. On a chauffé un petit... Un petit cochon. Un gros... Et c'est Hugo qui s'en est chargé. Ce sera juste après Calvin Harris avec Rihanna. This is what you came for sur Trace. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Oh, le bol en fois, aïe, que bouger de la ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, moi, Lille. Faut que les jalousies m'en va vite. À 11h, je vis, c'est à Barbeau. Gadier, appétit, parce que marche la boule à du Brésil. Imbécile, plus parle-moi d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gadier, appétit, gadier, appétit, appétit. Gadier, appétit. Gadier, appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les plus si je te prépare. Mais mes plus et mes gars sont mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, est-ce que bec, mais qu'est-ce qui se passe? Tu pris du galon depuis la partie 1. Oh, j'ai pas quitté le check, la rue, la vraie. Ah, puis tu la connais pas la propre. On se dit l'air que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu passes, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus tenu l'air quand la ligne reste. Gadier, appétit, quand je me marche la moula, je brise. Wanna see you rising. When they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need the license. Hold her hush, you can even ride it. Go ahead, move your feet just like this. Then he showed me the latest. We walk over the pictures. Now what you do, man, ya zonto. Ah, zonto, ah, zonto. Now watch me do my zonto. Ah, zonto, ah, zonto. Now watch me do my zonto. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drive my jet down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holla at me? I just wanna drop my jiggle it down to the floor. No, on revient avec d'autres breaking news également aussi. Et se prépare également vos réponses à la question con. Est-ce que tu peux me rappeler la question con, s'il oui, te plaît? Quelle est la différence entre la ponte des crapauds et celle des grenouilles? Est-ce ouais, que c'est différent? C'est pas le même animal et donc forcément il y a des différences. Tiens, c'est scientifique ce soir. La réponse la plus drôle quand même repartira aussi avec des cadeaux. 0820 203 200, on revient dans un instant avec vos propositions. Il y a Alexia et Ludovic qui nous rejoignent sur Trace Mada Guadayana. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Des pornos japonais, j'ai du mal. Mais moi j'adore. Et Doggy Message. Et Doggy Message. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir, entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay. de Génération 9-7, aussi dispo sur trace.fm. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Trace FM. Trace FM, première Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. www.trace.fm. Le soir, entre 18 et 19h, en attendant l'arrivée de Génération 9-7, Hugo et Tijo Sound font monter l'ambiance. 18h, 19h, ne rate pas le before de Génération 9-7. Une heure de mix mixé par Tijo Sound. Ou bien ton collège. Le DJ officiel de Génération 9-7. Génération 9-7, le before. En attendant ton show Libre Antenne, les hit traces mixés font gronder les basses toute la semaine entre 18 et 19h sur Trace FM. Trace. Premier sur les hits. www.trace.fm. Trace FM. Trace. Génération 9-7. Génération 9-7. Ici, c'est la Libre Antenne des auditeurs. Merci d'être avec nous. On a de la question complètement ouf. Quelle est la différence entre la ponte des crapauds et celle des grenouilles? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils pompent de la même façon? Alors, il y a Alex qui nous rejoint au standard. Salut Alex. Alexia. Bah, je fais un petit diminutif. Alexia, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Tu nous appelles d'où, Alex? Alexia. Oui. Ah ouais, la meuf elle se reconnaît même pas. Tu sais, quand tu l'appelles Alex, la meuf elle dit mais c'est pas moi. Alexia, tu nous appelles d'où? Je vous appelle du François. D'accord, ok. Ça va bien le François? Oui. Oh François, Trace FM, ça passe. Oui. Alors, apparemment, mais tu m'étonnes que tu nous appelles du François. En fait, c'est la commune qui pouvait de toute façon répondre à cette question à propos des grenouilles, des crapauds et puis éventuellement tout ce qui touche aux animaux sauvages comme les trigonocéphales, tous ces trucs-là. Alors, ouais, je me demande si on dit trigonocéphaux. Ah, tu vois? Je ne sais pas. Alors, Alexia, c'est quoi la différence majeure entre la ponte des grenouilles et celle des crapauds? Putain, le François, chie en nous. Bon, pour moi, la grenouille, elle pond des œufs en amas à la surface. Et le crapaud pond des filaments au fond de l'eau. C'est-à-dire que si on se baigne, on est dans la merde parce qu'en surface, on se prend le truc des grenouilles et au fond de l'eau, celui des crapauds. Et c'est là où tu repenses à tous tes moments où tu t'es baigné dans l'étang, juste à côté. Tu te rappelles que tes parents t'avaient dit de pas le faire et tu te dis tu as bouffé du sperme de grenouille. Et probablement, tu as marché dans du jouis de crapaud. Ah non. Enfin bref, c'est la très très bonne réponse. Oui, c'est ça. Attention, une vraie scientifique, oui. Une vraie dame nature. Alexia, c'est la bonne réponse. Oui, je m'y connais. Tu t'y connais en crapaud? Alors, qu'est-ce qui explique que tu t'y connaisses en crapaud comme ça? J'ai une culture assez élevée quand même. Hein. Ah, une culture assez élevée. Attention, le François représente. Ok, ça marche, pas de problème, Alexia. On te met de côté les cadeaux. Félicitations à toi. Merci. Puisque c'est l'extrêmement bonne réponse, en tout cas, qu'on cherchait ce soir. Par contre, peut-être que Mathias voulait nous faire rire avec une explication à la con. Mathias. Allô, oui. Oui, ça va, Mathias? Ça va. Ouais. Moi, je dis que la différence, c'est que les œufs des crapauds sont plus gros parce qu'ils ont un plus gros vagin. Je suis complètement fire. Je suis fire. Bonsoir PNL. Mathias. Ça va? Oui. Ouais. Oui. Tu dis que en fait, qui a un plus gros vagin? Le crapaud. Non, le crapaud ou madame? Ou madame crapaud? Oui. Tu sais quoi? Ça tient pas la route, hein, ce que tu nous racontes, mais c'est très drôle. Donc, mais c'est peut-être pas forcément ta réponse. C'est le fait que tu imites très très bien PNL, peut-être. Je pense. À ton insu. À ton insu, sans le savoir. On va te filer des cadeaux aussi, mec. Tu bouges pas, tu raccroches pas. Ok, bonne soirée, Mathias. Bonne soirée. Ciao, bye bye. 0820 203 200, tout à l'heure, il y a la hotline des cocotteurs. On appelle qui, tout à l'heure? Zizi 973. Ah, ça m'étonne pas, ça t'a passionné, non? Ça m'a amusé, ouais. Ouais. Ouais, c'est... Mais tu as compris que c'est le code postal, c'est pas la taille. On appelle tous les soirs les mecs et les nanas d'ailleurs qui se connectent sur les sites de rencontres. Et ils jouent le jeu à fond. Parfois il est Sarah, parfois il est lui-même, parfois il est totalement quelqu'un d'autre. C'est tout à l'heure, on appelle Zizi 973. J'aurais voulu de temps en temps une main baladeuse se promener sur mon corps, voilà. Et vous avez remarqué que quand les gens ils savent pas qu'ils sont à la radio, ils se lâchent totalement. Et sur les sites de rencontres, contrairement à ce qu'on pense, ou certains le savent depuis très très longtemps, ça va droit au but. Cash. D'ici là, c'est Tijo qui reprend les platines. On démarre avec un petit Admiralty et Mike Wynn. Certains qu'un vieil, bah c'est nice, et cool, et sweet, un princess. Nomme qu'à boutiser, bah si on sait, femme qu'on lit, bah c'est ni en le site. Fais tout ça, yo, paye, ou fais back, belle auto, exposé, signe des richesses. Mais toi, là, pas materialiste, non, non, non, non. She is a queen, yeah. My queen. Mais nous si y'en notre planète. Où on fait moi check y'en confiance ça. Confiez moi les manettes. Moi qu'à promettre vous d'être honnête. Chantez bar baby, coucou garnette. Et l'automne minuit nous qu'est disparaître. Pourrait trouver nous tous les deux en toute intimité. Parti n'a y'en qu'à poster si internet. Somme de gosse, somme de se ram pam pam pam. Ragadagadam, bling bam badadam. Explosion qu'on suit ce big bang. Moi et mes autres me plissent chaque minute, chaque seconde. Où c'est y'a queen et moi c'est King Kong. You are my queen, yeah. My queen, yeah. Queen, yeah. Investez en moi tout seul. Baby, you my queen, yeah. My queen, yeah. Everybody gotta go. Uptown, downtown. Just one phone call, me ready for you, girl. And when you call me, me ready for you. Don't call, call. Me ready for you, girl. No matter what me say, me ready for you. I just one phone call, me ready for you, girl. And when you call me, me ready for you. You shine bright, make me see the light. Me a looking at your soul when you are looking at my eye. Me like when me see me life. I know nothing for me like. This is something when me like I. You have a energy when make the tide rise. Remember when you say you love me bright eyes. Something a go burn up on the white rice. Everybody gather around. Me tell you me love you in the crowd. We have something beautiful in loud. If you need my love right now. Don't want it. Sweet mama Tita, you deserve me corazón. So nice to meet you, could you tell me where you're from? Never seen a girl like you, you're hotter than the sun. Hotter than the sun, girl, you're hotter than the sun. Me and you together in the island having fun. Under the influence of sweet coconut rum, girl. Magical vibe, I don't want to be done. Nothing can give me your love, I'll never give you no bun. I wanna give you my love, give you my love, give you my love. Baby, I wanna give you my love, give you my love, all of my love. Sweet, sweet, sweet love. Tranquila.

Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Yeah. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Tell me, know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Got it. La panie personne qu'a des con. Toutes les femmes l'ont échappé. Sous pas valide fouté yo la paix. C'est comme si quand tu m'as dit que t'as une copine. C'est nul. Fais un petit bisou à ta copine. Fais un petit câlin à ta copine. Fais un petit coucou à ta copine. Si on est avec un enfant du bébé à ta copine. Fiche que t'es bonne bébé. T'es sexy. Fiche que t'es jolie bébé. T'es jolie. Fiche que t'es belle bébé. T'es belle. Oh bébé. Oh bébé. T'es sexy, t'es sensationnel. T'es ma chérie, t'es ma doudou, ma demoiselle. Avec ta copine, faut pas être zen. Quand tu mets ton boulon, oui, ça donne des ailes. Tous les jours, il faut caler, c'est ta copine. Embrasser ta copine, il faut ta copine. Sinon, les APK vont te la mettre. Tu seras ma maîtresse, je sais ton maître. Fais petit bisou à ta copine. Fais petit câlin à ta copine. Fais petit coucou à ta copine. Sinon, les APK vont s'occuper de ta copine. Fiche que t'es bonne, bébé. T'es sexy. Fiche que t'es jolie, bébé. T'es jolie. Fiche que t'es belle, bébé. Ma calo, gal lick me at a boat. Nanny feel gal money dem a count out. Want see me have a dozen gal a cross road, road. Gal look good, good, good, good, good in them clothes. Jungle gal dem tep, dem a got bang. Girls a juice land, slang, slang, a bang. Dirty and strong, strong. A key walk me, she a wait pan, pan. She a wait, wait pan, pan, pan. Bang, wedding plan me. She a wait pan. Bang, bang, sexy and, sexy and. Sexy and round, sexy and round. Bang, bang, bang. We a tan, we a tea, we a weird tan, tan. A key walk me, she a weird tan, tan. A weird tan, tan. She a weird tan, tan. A weird tan, tan. A key, tan, a key, tan, tan. In a deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep. Tina deep deep deep deep crystal. Tina deep deep deep deep crystal. Tina deep deep deep deep crystal. Tina deep deep deep deep crystal. Tina deep deep deep deep crystal. Tina deep deep deep deep crystal. Tina deep deep. Tina deep deep deep deep crystal. Tina deep deep deep deep crystal. Tina deep deep deep deep crystal. Un DJ en live désormais tous les soirs dans Génération 97 pour jouer les titres que vous réclamez. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820-203-200 pour débarquer en direct. Merci d'être avec nous, c'est Friday dans la radio. Somebody say Oulah. Génération 97. Le soir. Prends la parole sur Trace FM 0820 203 200. Appelle, exprime-toi en direct. Imaginez les gens les plus chauds de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, mais qui se cachent. Qui se cachent derrière des pseudos et parfois des sites de rencontres. Ben, ces gens-là, on les appelle pour qu'ils se lâchent. J'aurais voulu de temps en temps une main baladeuse se promener sur mon corps, voilà. C'est la hotline des cocoteurs, c'est tout à l'heure dans Génération 97. D'ici là, breaking news. On va parler de Kim Kardashian, elle a récidivé. Elle a encore dévoilé son corps nu sur Snapchat. Et elle dit, continue à le faire parce qu'elle se sent bien dans sa peau, tout simplement. C'est quoi son Snapchat? Sabri connaît bien. Non. Quoi d'autre? Oui, on va parler d'Afida Turner également qui a... Ouais, alors tu vois, voilà, c'est le même effet. C'est, la nana, elle continue à se dénuder, mais par contre, personne n'a envie de la regarder. Oui, puisqu'elle a été déclarée interdite d'antenne sur la chaîne en question, où justement, elle est venue sans culotte. Putain. Oui. Ah, elle a ouvert la madafa, mais comme une malle, quoi. Comme une malle. C'est moche, hein. C'est vraiment laid. J'avais jamais trouvé ça aussi laid, en fait. Ouais. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est pas classe. Ouais, c'est vraiment, vraiment pas classe. Quoi d'autre? Il y a une agression qui a eu lieu aujourd'hui devant l'annexe de la sécurité sociale de Bergevin. Et c'est un homme, en fait, âgé d'un certain âge, qui était venu faire des démarches à la sécurité sociale. Et il a été pris à partie par trois malfaiteurs qui lui ont arraché sa chaîne et qui l'ont mis à terre. Il a été blessé très sérieusement à la tête. Moi, je me demande, franchement, honnêtement, c'est vrai qu'il y a un code d'honneur normalement chez les voyous, a priori. Je sais pas, c'est les grandes personnes, c'est pas un peu de la profitation, les... En général, les personnes âgées, les femmes enceintes sont épargnées. Oui, ouais, les prêtres aussi. Il paraît qu'à une époque, les prêtres étaient épargnés. Enfin, je dis pas que c'est bien de toute façon de respecter cette hiérarchie, mais enfin voilà, encore malheureusement une fois notre Guadeloupe qui s'illustre de manière super négative. Mais je pense que mine de rien, là, l'engagement de tous ces artistes, de toute la population à un moment ou à un autre, je pense qu'on va y arriver à bout, tu en penses, fait. Ouais. Je pense que c'est suffisant. Je sais pas si ça sera suffisant. Vous avez vu les vidéos qui tournent des gars un peu, c'est, ils sont tous buste nus, soit en train de préparer le joint, soit en train de le fumer. Et les mecs, ils commencent leur truc par « Cougna maman la violence !»« Cougna maman la violence !» Ouais, c'est ouais. Comme dire à un enfant d'arrêter de crier et en a, et après, ça finit même par « Ouais, faut le tuer, machin compagnie. » Hashtag #97, hashtag #TraceFM, vous dites ce que vous en pensez. 0820 203 200. On va s'écouter un petit DJ Fly avec Cécile. L'histoire ne dit pas au stade où on en est s'il y a Huggy derrière. Mais si c'est le cas, votre paire de Nike Air Max est en jeu. 0820 203 200, si le signal retentit entre les deux titres et si les deux titres s'enchaînent sur Trace FM, c'est la Trace Roulette avec votre paire de Nike Air Max. Just the body with me, Chris. Hey, baby, loving when you whine for me. You tell me what you want, baby. I'm a loving when you hug, baby. Oh, love. Chris, what's a whine for me, daily like a background, the corner. Boom, pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Chris, hold up on my body, and Chris, set it. Rock off my back, yeah, Chris, if you set it. It's fine, I want no Chris, set it. Hold up on my body, hold up on my body. Set it, dress up, set it, roll on, set it, watch how me set it. Why my body men are stiff like soldier? Table top make the booze take you over. From the pole you not care if you're sober. Lord, dress love how me wine, him love how me wine. Boss, up on the pole when me wine. Dress me I went like a go-go. Roll up on my body and dress, set it. Set it. This line I wear no trace. Set it. Hold on by my body. Hold on by my body. Love how me set it. Set it. Dress up and set it. Set it. Set it. Roll on. Set it. Set it. Set it. Watch how me set it. Set it. Set it. Boy. Just the body when me ever that trace a cry for. Body when me ever that a man a cry for. Just the body when me ever that trace a cry for. Body when me ever just the body when me for. What's a wine for my daily like a bike round the corner. Boom, pack a cup, yeah the right sweet yama. Trace FM. En ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. It's your boy Easy. UG Official. Music

Weekend Heritage. Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Du 28 au 30 octobre 2016. Un événement Guadeloupe première et Trace. En partenariat avec le ministère du Tourisme de la Dominique. Info sur www.wcmfdominica.com et sur www.discoverdominica.com. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et Doggy Message. Et Doggy Message. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir, entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7 aussi. Dispo sur trace.fr. Génération 97, le soir, on prend la parole sur Trace FM 0820 203 200. Appel et exprime-toi en direct. En direct. Astro Blaze Production. Skolipovic. Ensemble c'était pour toujours. Nous passons l'année galère, péripétie et pourtant forme un seul coup. Pour décider qu'on aimait tout seul. Jalousie, amour, n'est fait mauvais conseil. Fait qu'un bras, on doit chercher confort. Mais non, doudou. Ni vous ni moi, pas y'a dans ce sens, tout ça, que nous t'es beau, mais tout. Enfin, la paix, on s'en fout. And she left me, I know. Saying she's going to stay. Yo, my princess gone, far, far away. And she left me, I know. See ya flap up on me, she says she go flip with the little shots. I see ya kitch up on the rip, it's like she all forget about the royalness. A friend and company, she ya follow me get it deep. Yo, round about she just a jump, she just a skip. Say what happened to the others, where you know you used to keep. Say what happened to the king, where you used to be with. Yo, well me see say that a honest, a loyal, see the sky. Man, she high tall. Son talent badé, il a pour faire yo mal. Un paquet d'yal qu'a joué les sept et touche. Mais son accord parental, c'est pis yo capotel. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. Un gal disbouke, un will bouteille. Assez fait bêtise, gal dem arrêté fait. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. Un gal disbouke, un will bouteille. Assez fait bêtise, gal dem arrêté fait. Ma tout al. Madaman aime manger aïtal. Son talabade il a pour faire yo mal. Un paquet d'yal qu'a joué les sept ni touche. Mais son accord parental c'est pis yo qu'a peut-être cal. Dispute, dada depuis longtemps. Jun talagette dans le cas que je m'installe. Got maman ba isho yo qu'a kwaï. A présent Jack Daniel ni pis je fonctionne. Bad boy. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. Jack Dada, Jack Daniel, yeah. J'en ai vu de toutes les couleurs. Surtout des rouges et des bleus. J'y reparle, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins Napoléon, j'préfère rouler ma bœuf. J'suis marié à la street, eh. visé, j'arrive à viser. Prends mes bracelets gris métallisés, lyrics majeurs, public avisé. Laisse les tapiner, sont validés. Y'a qu'à Disney que les rats sont animés. Tout est noir dans mon calumet. Rafale de AK pour l'allumer. What why them? Them cats that's winana. Them cats that's winana. What why them? Them cats that's winana. General KLH pour ton salut. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'irai voir l'autre, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins n'en pour les onze, préfère rouler ma bête. J'suis marié à la street. La vie est plus belle à deux. J'ai qu'à l'air ma vie, n'a y'a air. Monde de gros, y'a nous et y'a eux. Chaud, chaud. On a la cause qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir la cause. Allo, allo, comment ça va? Bonsoir. Tranquille. On te fait une petite spéciale dédicace. On te fait une petite spéciale dédicace sur le titre là, mec. Ok. Et on t'écoute juste après parce que tu voulais réagir à un truc que Sabri a dit. On revient dans un instant dans Génération 97. Écoute bien le refrain, mec. Écoute bien l'intro. Spéciale dédicace pour la cause. Tu nous appelles d'où? De quelle commune, mec? De quelle commune? Je sais pas. Non, il faut que tu coupes le haut-parleur par contre pour qu'on entende, frangin. Faut que tu... Écoute, dédicace pour toi. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le père. PNL qui sera bientôt de passage en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. J'ai cru comprendre. PNL. Dans le ou dans la ville on navigue. La jungle elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Nico, on fait ce qu'on peut. Droit reste en chien, droit reste en chiette. L'enjeu traverse le ciel. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vogue sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vogue sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Le soir. Génération 97. Personne peut tester. Génération 97. Sur Trace FM. On a la cause qui nous rejoint du côté du standard. La cause, on n'a pas entendu la commune tout à l'heure. Est-ce que t'as coupé le haut-parleur, mon frère? Allô, allô. Oui, j'ai coupé le haut-parleur, ouais. Là, on t'entend beaucoup mieux, la cause. Qui j'ai en frangin, okay. Tranquillement, on l'a posé. Non, mais c'est la kill. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, tu réagis à un truc que Sabri a dit, pas que moi j'ai dit. Alors, vas-y, vas-y. On resitue l'histoire. On parle de quoi tout à l'heure, en fait? Mais on parlait en fait de toutes les vidéos qui sont faites en ce moment par rapport à la violence, et les mecs ils débarquent alors tous buste nu avec le joint à la main, soit en train de le préparer, soit en train de le fumer, et ils débarquent avec un cougnamment la violence et finissent par ouais faut tuer Tubougla qui tue l'autre là. Et donc. ça plaît pas à notre ami La Cause. La Cause, tu as un coup de gueule, mec, attention, jingle pour La Cause, on y va, c'est parti. Okay. Donc en fait, tu débarques. Nous, là, le king qui nous habite à Mouna, ok, ouais. Et moi, quand je te comprends encore une fois que ça fait à drogue là, c'est pour le monde comprendre des vies parce que mon gars fumé Seb, cabré alcool, c'est un col pour violer quand on là, il habite quoi. C'est toujours l'argent là pour la maman yo. Et c'est le king qui dit ça. Vous comprenez? Parce que moi, quand je fumais Seb, moi, je me suis changé moi, à faire des bites bien carrés, bien malades. Si on a résumé Kaukazi là, ou pavé, c'est mettre là, c'est moula, mettre ça, c'est contre la drogue là, c'est contre l'alcool là en fait. Exactement, parce que comment t'as qu'à fumer, je vais pas faire ce là, ça. Comment t'as qu'à brûler l'alcool, à carré là, il a quand même une voiture directe. Et il y a deux jours, nous avons conduit, nous avons tout été, aller droit à droite, vite pour aller y accéder, mentir, ça va se la gâte, mais je me suis la côte de la route, meilleur quoi. Eh bien, yes, aïe. Et un des gens mis à côté de ça. Et là, alors, Frangin, pas parler bas, franchement. Après, un panipon, jugement, si moun ka choisi fumer drogue ou machin, etc. Moi-même, j'ai fait en moins. Vous suivez. Le truc, c'est que, en même temps, la drogue, ça va pas à tout le monde, franchement. Tu sais, en fait, c'est vrai que tu fais référence, en fait, au meurtre de Johan. Parlons franchement, à un moment ou à un autre, beaucoup de médias, beaucoup de journaux télévisés ont titré au final que le jeune gamin qui avait porté le coup fatal en fait à Johan, en fait était sous l'emprise de la drogue. Ça t'énerve en fait qu'on fasse cet amalgame là en fait? Non, c'est que tout le monde a une sorte de caché de la drogue là d'après eux. Ouais. Pour ne pas payer très tarif. Ouais. Mais par contre, ça voilà. Ouais. Parce que nous, ça, pour ne pas payer, il y a d'accord que c'est juste là, il y a d'accord que c'est drogue qui a fumé, peut-être qu'on va pas ici, mais chacun fume là, j'en ai des mois, je suis un jeune petit bourgeois à 15 ans. Au moment là, mon vieux Wiko, à 79 euros, il est malade. Alors là, nous avons 10 euros là, je suis là, je suis là, là, je suis là, quand je tombe, tout ça là, je suis là, vous êtes placé, c'est le voyou, le clou, le voyou, c'est décalé. Ou veille au baillot en lisson en fait. C'est tout. Ou veille au baillot en lisson. Voilà. Hein? Ou veille au baillot en lisson, ou veille au baillot en éducation en fait. Et personnellement, il n'y a pas qu'on ait petit bouquet qui est là. Et il n'y a pas qu'on ait pas mon yeux violencé. Parce que moi, c'est mon qui sorti loin. Mais je suis d'accord que c'est celui de la femme à 17. Vous commencez à dire? Ouais, on suit. Ouais, mon garçon. Ouais. Écoutez, enfin, j'ai toujours pas compris la commune, par contre, d'où tu nous appelles, en fait. T'inquiète, Dieu, moi, je suis de Saint-Anne, là, pour l'instant. Ok, d'accord, Saint-Anne. C'est Saint-Anne, mais pour l'instant, mais pas mon Saint-Anne. D'accord. Yeah. Ok. Ok, pas d'amalgame selon toi en fait. Il faut pas faire d'amalgame entre la drogue et les gens qui utilisent cette excuse en fait pour pas prendre le plein tarif. Mais en même temps, Timal, c'est-à-dire que la drogue ne va pas forcément à tout le monde à un moment ou à un autre. Il y a des gens que ça apaise, il y a des gens que ça énerve, il y a des gens que ça rend sur le fil du rasoir. C'est pas ton cas. Apparemment, tu es là en mode un peu promote. T'es là en mode un petit peu give me the weed, push and similia, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que toi, pour toi, ce produit, en fait, ne te fait ni de mal, et à un moment ou à un autre, tu veux pas qu'on cherche cette excuse-là, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, c'est presque un catalyseur, c'est-à-dire que ça révèle la personne qu'on est à l'intérieur, et si on est une mauvaise personne, ça ne fait que révéler, en fait, la mauvaise personne, mais au final, quand on est une bonne personne, finalement, comme toi, ça n'a pas fait rien. On a perdu la cause. Personnellement, franchement, moi, je sais pas si quelqu'un qui pourra te dire ça, peut-être. Ok, on dira ça. Bon, maintenant à Frangère, là. Non, ben, ne l'introduis pas, alors. Allô. Ah, y a du monde là, vous êtes en train d'écouter la radio en même temps les gars. Eh les gars, c'est pas super agréable. Quand vous avez la radio en même temps allumée en fait, ça fait un espèce d'effet bizarre, Larsen. C'est pas l'un de blade. Ouais, il faut que tu coupes la radio pour que le Pagna puisse réagir. Allô. Ah, on les a perdus, on va les rappeler dans un petit instant. Evric est de retour, il est là, pourquoi Evric? Il voulait réagir à ce que disait la cause. Yes, Evric, on t'écoute mec. Mais le frère, il a raison. Mais ils disent partout que le petit jeune, il a tué le gars pour le portable ou de la drogue. Mais la personne qui a... Sous l'emprise de la drogue, pas pour de la drogue, sous l'emprise de la drogue. Non, mais regarde sur WhatsApp, j'ai combien de groupes sur WhatsApp qui te disent que c'est pour de la drogue. Après, Evric, sincèrement, les groupes WhatsApp, il y a des choses, des informations qui circulent dessus, qui se vérifient après, et puis il y a des informations qui se vérifient pas du tout. On est d'accord. Mais justement, les gens font que passer des mots, ils font que faire passer des mots, sans savoir vraiment ce qui s'est passé, sans savoir c'est quoi le fait mot de la chose. Ouais. Ils disent comme quoi que ouais, c'est ça qui s'est passé, ça. Après ça, tu as une autre version, parole, ça. Alors que peut-être que aucune des deux versions ne sont réelles, quoi. Alors, est-ce que tu partages le point de vue, en fait, de la cause qui débarquait tout à l'heure et qui disait qu'on peut pas mettre ça sur le compte de la drogue? Mais non, on peut pas mettre ça sur le compte de la drogue. Regarde-moi, tu vois, moi, Je suis un gars, je suis. C'est une belle herbe, je vais pas mentir. Là, j'ai arrêté même pour ça. J'ai jamais encore piqué une couleur. J'attends bien là, au sein avec des gars. Au long où mes messages, je me dis, ok, pas les panneaux, je passe mon chemin. Mais Evric, ou cas d'accord que ni certains moun, là, ils ont fumé, ils ont un genre différent. C'est-à-dire que mais ni oui. Des moun, ça a apaisé, mais ni des moun, ils ont un genre différent. Je ne peux pas dire que c'est l'air qui devait ça. Par contre, si nous n'avons pas un cam là, qu'à signifier, c'est mon ladin. Parce que la dernière fois, j'étais avec deux ou trois poteaux, c'est mieux qu'à réussir à signifier, dit comme moi, quand on parle de ah ouais, il y a des gens qui m'ont expliqué à tout, c'est un peu non. Regardez. Ah, il y en a de ces collègues-là, déjà pour un lourd. Ça, c'est moi, ah, on est chaud au monde, on est vous à blanc, on calme. Et moi, je me dis, c'est pas mieux d'avoir la part pour moi. Ça, je me dis, c'est ça, c'est ah, on est chaud au monde, on est vous à blanc, on calme, on est vous à blanc, on calme. Je me dis, c'est bien, je me dis, mal. Est-ce que tu trouves que depuis ce qui est arrivé à Johan, en fait, véritablement, la population se mobilise en masse? Oui, par contre, ils se mobilisent en masse. Là, maintenant, j'ai remarqué que tout le monde, après ce qui s'est passé avec Johan, ils se mobilisent en masse. Hein. Est-ce que tu penses qu'on va enfin atteindre plutôt un résultat ou, Jean, c'est... Malheureusement, c'est beaucoup de remous pour rien. Tu en penses quoi? Ben, là, je sais pas vraiment ce qui va se passer. Bon, après... J'espère que ça va sensibiliser. Moi, je pense que c'est un jeune de 18 ans. Ça va sensibiliser les autres jeunes. Ils ont chopé le garçon. Ok, il va avoir un procès. Il est présumé innocent jusqu'à ce qu'on prouve effectivement à son procès qu'il est véritablement coupable. Evric, est-ce que tu penses que... Le mec, il a touché avec sa joue. Ouais, enfin, Faya, pas ni violence ou pas ni violence, mais par contre, tu maîtrises pas bien le tactile. Evric, allô? Oui. Et beaucoup moins. La synchronisation des mouvements, là. Selon toi, est-ce que tu penses que ils ont chopé le gars? Ok, il va avoir une instruction judiciaire, il va subir un procès. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans sa tête, là, aujourd'hui? Tu penses qu'il l'a toujours pas réalisé, en fait, ce qu'il a fait? Qu'il va aller en prison en vacances, presque, que ça va être trop cool pour lui, t'en penses quoi de ça? Ça est arrivé, monsieur, là, ça paraît. Moi, comme je parlais avec une femme hier de ça, mais c'est ça pour lui, c'est tout son miaillade, parce que lui, il va réaliser qu'il faut son privé. Moi, franchement, je te le jure. En termes à son ami, c'est tout son ami, ça. Et connaissant ce genre de jeunes-là, ça, c'était toujours ouf. C'était fouillé, lui aussi. Est-ce que tu crois que c'est un type de jeune, ou est-ce que c'est finalement n'importe lequel d'entre nous qui peut, malheureusement, à un moment ou à un autre, basculer? Moi, j'ai plus l'impression de ça, en fait. J'ai plus l'impression... Moi, pour moi, c'est un type de jeune. Parce qu'il n'y a pas tout de jeunes qui avaient ça. Regarde. Parmi, j'ai entendu que Taro là vous disait qu'il y a des jeunes comme moi qui... Un papy à Bergevin. Voilà. C'est une jeune là, ça, Yoka, moi, qui n'est pas qui. Par contre, Yosef a qui nous attaque, parce que Yosef est pas fort. Il cherche la faiblesse, en fait, dans la victime, en fait. Voilà, exactement. Le monsieur, c'est un homme âgé, il n'est pas assez... Ah, nous capitons, regarde bien les jeunes d'aujourd'hui, enfin les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Les jeunes de la génération d'avant. D'accord? Ceux de l'âge de mon frère, 27, 28, 30. You pas cherché ça. Mais en même temps, est-ce que ça pas normal, Bougomouin? L'est encore réfléchi, en fait. Regarde, dis-moi que si un moun ni 30 ans, ils ont différentes responsabilités envers la villa. Et donc, forcément, ils cherchent l'autre moyen pour réussir, pour éviter de mettre cette imounaille en danger. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mais lui, il pas fait ça encore. Mais en temps, il n'a pas fait ça. Laissez-le en temps à you. Mais il était jeune, il était 18, 19 ans. Et il était capté pour amour. Il n'était pas capté pour amour. Il était ni au genre de hiérarchie, quoi. Il était ni au genre de code de morale, un code de respect, en fait. Exactement. Il était caché son boutique. Il était caché son boutique. Il était caché son boutique. Je te cache chez mon qui poids ailleurs, mais pas te cache chez mon qui faible. Mais les jeunes d'aujourd'hui, je cache chez mon qui faible. Puis c'est moi, c'est des faibles, c'est des paos, c'est des couillons. Moi, c'est ce que je vois. Moi, je suis un jeune, mais je vois comme ma génération d'aujourd'hui, là. C'est des couillons, c'est des faibles. Je me suis caché chez un qui est faible. Pourquoi? Mais pourquoi je ne pas chercher mon catégorie avec vous? Parce que ça s'occupe pour moi en choisant. Moi, je vais. Au contraire, que vous venez là, à qui c'est tout, bah, il y a un homme là, on l'a mis. Bah, il y a un coup de main. Parce que vous, vous capotez de sagesse. Mais c'est ce jeune-là, il n'y a pas qu'à voir ça. Et ça, il y a fait boucle là, ça fait porter au bonheur. Parce que, regardez que ce monde-là, il n'y a pas amour. Il n'y a pas bien sûr, il n'y a pas fait sauce. D'ailleurs, il n'y a pas fait sauce. Il y a ce bouc-là qui est bouc, qui est un vieux bouc, il y a des petites chaînes à vieux bouc-là, et... Ben, je ne sais pas si on a fait la capacité. Il y a une ville où vous pouvez se mettre des fonds d'accident, voyage. D'accord? Eh bien, mais c'était dénombré. Vous voyez, moi, sous la voiture, on est dénombré. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas logique dans ça. Obligé sur le bitailleur pour la finité. Est-ce que tu espères, par exemple, que le petit garçon, si jamais il est reconnu coupable, parce que je vous dis, pour l'instant, l'instruction judiciaire n'a pas forcément eu lieu, le procès, machin, etc. T'espères qu'il a un déclic à un moment ou à un autre? Tu penses qu'un jour ou l'autre, il pourra se faire pardonner aux yeux de la société d'un truc comme ça? Est-ce qu'il y a une dette à payer pour que il puisse revenir normalement dans cette société? Ou est-ce que pour toi, le mec est gâché? Moi, franchement, j'espère qu'il pourra se faire pardonner. Mais je ne crois pas qu'il pourra se faire pardonner. Encore moins par la famille. Et moi, la seule chose que je peux te dire, si ce bouc-là qui pique là, ils sont bien la jeune là, comme il s'est caché. Comme il s'est caché. Et si ce bouc-là qui est tué là, ni gorge, il n'y a pas encore plus caché. Parce que si il y a là, si il n'y a pas de temps, il n'y a rien là, il met des idiots. Il n'y a pas de voyage. Ça fait quelque chose. Moi, je te le jure, je suis un jeune, en sachant que tu es ici. Tomber, ça fait qu'il me met, quand tu es ici, moi, ok. Je veux trouver qu'à chaque fois, je suis mis sur une belle volée. C'est ce que je veux dire. Yes. En tout cas, Évric, une chose est claire, ça, pour l'instant, jusqu'à ce que le procès ait prouvé en fait sa responsabilité, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je pense que ce système, il est arrangeant par bien des choses et peut-être dérangeant par d'autres, mais pour l'instant, il est présumé innocent. Il faut faire toute l'histoire, éclaircir en tout cas toute l'histoire pour bien comprendre les raisons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon toi, peut expliquer en fait, peut pas rendre acceptable son geste, parce qu'il n'est pas acceptable son geste, mais dans sa vie, dans sa manière de se construire, dans les repères qu'il a pu avoir en fait. Oui, peut-être que par rapport à l'éducation qu'il a eue, s'il a une bonne éducation, c'est tout un émotion. Parce que moi, je suis un jeune homme respectable. Ma maman m'a bien élevé tout. Je me suis mis à fumer de l'herbe à force de regarder les choses dans la rue. Moi, je me suis toujours. La première fois, ma maman m'a subjectionné. Moi, je me suis sur l'entrée. Et les deux, je me suis mis bien calme. En fait, je me suis mis bien calme. Moi, qui vais acheter des bons chemins. Mais c'est moi qui tourne mon jeu en esquivant, en tourner d'autres chemins. Mais si je suis avec une bonne éducation, il tourne en notre chemin. Ça, c'est lié. En fait, en gros, en résumé, il fait choix là, quoi. Voilà. Il fait choix là, il faut y payer, là. Voilà. Ok. Ton choix, ouais, mais bon. Mais si pas fait bêtise dans les Thibault-Lomblin, parce que la famille a besoin d'un procès. C'est pas aux mecs en prison à rendre justice. C'est vrai que c'est une vraie question parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui disent que il va souffrir en prison, que machin, etc. Les gars vont lui donner une bonne leçon. Ils font ça beaucoup aux États-Unis aussi. On a des détenus en fait aux États-Unis qui sont là depuis très longtemps, qui effraient les nouveaux en fait, à un moment ou à un autre pour leur donner une leçon parce que tu sais c'est à base de dur, dum, machin, etc. Comme disait le mec dans la vidéo en fait. Ouais. Et moi je te rejoins pas totalement Sabri parce que je me dis que quelque part ce mec-là il est légitime pour s'exprimer. À eux. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, même s'il est là avec son ouinge et qu'il est là, il fume son petit pet, machin, etc., quand il exprime ça, il exprime que Jean, il peut ressembler par bien des choses à ces mecs-là, mais à un moment, il y a un truc qui fait la différence. Et c'est ça qu'il exprime. Tu voulais rajouter un truc, Lilou ? Bah déjà, je pense qu'il ira dans un centre pénitentiaire pour mineurs. Alors, c'est vrai que ça, c'est les gros débats, là, un petit peu underground. On se demande, en fait, où est-ce que le gamin va aller ? Est-ce qu'il va payer sa dette comme un adulte ? Parce que parfois, en fait, ça arrive. Hein. Au-dessus ouais. de 16 selon, ans. Selon la gravité la du, gravité du cas, en fait, tu peux être jugé exactement comme un adulte. Hein. Au-dessus de 16 ans. Au-dessus de 16 non, ans. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Comme un adulte. Au-dessus de 16 ans uniquement ? Dans 90% des cas. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, Evric ? Personnellement, je pense qu'il devrait payer sa dette comme un adulte parce que je suppose qu'il est conscient de ce qu'il a fait. S'il a fait ce geste-là, et je suppose qu'il est conscient de ce qu'il a fait. Après, il y aura sans doute une expertise psychologique. Parce que il a prouvé aller se cacher jusque chez sa soeur, il part où tu m'as fait, c'est qu'il est conscient de ce qu'il a fait. Parce que quand il conscient de ce qu'il a fait, il tire dans sa soeur, et toi, c'est bien. Mais quelqu'un qui est conscient, il peut toujours courir caché. Qu'il paye son acte, qu'il paye... qu'il assume ses responsabilités, quoi. Voilà. Yes, c'est vrai. Avec up à toi, on a Yasmine, je crois, qui débarque dans un petit instant. C'est pour totalement autre chose. On a du sexe confessionnal qui se prépare. C'est encore très vif dans les esprits. Tous les soirs, on fait un petit point autour de Johan. C'est vrai, concrètement, c'est à 4 jours. Ça fait 4 jours, très exactement. Beaucoup de gens se mobilisent, beaucoup d'engagement de la part de la population. Un ras-le-bol général qui s'exprime et surtout, véritablement, un engagement de chacun pour ne pas que ça passe dans l'indifférence. Un big up Evric, un big up à la cause qu'on arrive pas à joindre, il voulait nous passer ses bagnas autour de lui, mais malheureusement Sainte-Anne, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que Sainte-Anne est rayé de la carte, je ne sais pas, je ne vous entends pas, Sainte-Anne, la cause, on te rappellera en tout cas volontiers, ou alors tu nous recontactes au standard. On va délirer un coup avec un petit appel, imaginez les plus cochons et les plus cochonnes d'entre nous, anti-Guyane, tout réuni. Comment il se lâche, c'est son job, il s'appelle Hugo, il appelle tous les soirs la hotline des cocoteurs, et on en a un qu'on chauffe depuis tout à l'heure. Il s'appelle Zizi 973, c'est la Guyane qu'on appelle ce soir, c'est juste après ça. A tout de suite dans Génération 97. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. Oh, t'as fait, tu veux piéger qui ce soir? Ton frère. Quoi? Il veut piéger son frère. Merci beaucoup, on avait compris. Génération 97, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Une petite seconde, ça va se calmer, t'inquiète. Le replay de Génération 97, aussi dispo sur trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Trace FM, toute la semaine, de 14h à 16h. Reste scotché à ton poste pour deviner les sons de la prog de Trace. 14h, 16h, 16h, 16h. C'est quoi ce son? C'est quoi ce son? Dès que tu entends le signal, écoute bien le son qui suit. Appelle-nous au 0820 203 200, dis-nous qui chante, et c'est gagné. C'est quoi ce son? T'as deviné? Appelle et repars avec ton kit Trace, série limitée, t-shirt, plus sticker, plus pochette mobile étanche pour ton smartphone. Dans le cadre de vos coups de cœur, découvrez des films en version originale sous-titrée à 19h. Les lundis, mardis, au Cinéma Rex et au Cinéma Darbo, le jeudi uniquement. Votre programmation de septembre. First Date, Ben-Hur, Free State of Jones, War Dogs et Juste la fin du monde.

leur téléphone. Il est tard. Question le site. Hashtag G97, hashtag Trace FM. C'est la rentrée de Génération 97. Également, ne manquez pas le replay ce dimanche des meilleurs moments de l'émission. Mais nouvel appel à un cocoteur. Oui, allô? Allô? Bonjour! Tu vas bien? Bah ouais, ça va bien. Et toi? Bah écoute, tu sais, je me retrouve seul, donc j'aurais voulu de temps en temps une main baladeuse se promener sur mon corps, voilà quoi. Ah, mais tu as trouvé la bonne personne, c'est moi. Quand est-ce que tu voudrais? Oui, mais là, c'est moi, là, tu es où? Tu es à Cayenne, là? Ouais, là, je suis à Cayenne. Alors, tu es où à Cayenne? Je suis près de la cathédrale de Cayenne, je sais pas si tu vois. Tu es en face de la cathédrale? Et toi? Tu es où? Est-ce que je peux compter sur toi? Bien sûr. Bon, allez, d'accord. Attends, donne-moi 15 minutes, je vais... Trace FM. Génération 97. It's about that time. What time is it? Et presque 22h aux Antilles, 23h en Guyane. J'ai pas compris pourquoi ça s'est coupé aussi vite. Je sais pas. On va le rappeler lundi. Hein. Ouais. Tu veux le rappeler là maintenant? Tu veux qu'on essaye? Allez. C'était bizarre, j'espère qu'il a pas entendu ton... Tijon. Moi je pense qu'on recompose son numéro de téléphone. On le rappelle lundi? Non, on recompose son numéro de téléphone tout de suite. Ok, Sabri, tu composes? Tiens, donne-lui en antenne. Je coupe le micro 2 secondes que le numéro reparte là. Ça va passer ou pas? Je sais pas. Son nom n'est pas joignable pour le moment. Ça passe pas. Réessaye. C'est con qu'il nous ait grillé quand même. Son nom n'est pas joignable pour le moment. Putain ! Lundi les gars, lundi. Le week-end, l'excitation va monter sur lui, tu vas pouvoir le cueillir lundi. Faut que tu lui envoies plein de sextos. Avec des photos. Tout au long du week-end. Sauf que moi il me faut quand même un responsable. Le standard est responsable de ça. Pas le standardiste, le standard, la machine. Le mec, il est là. Prenez-le, lui, là. Je nomine au feu de camp ce soir le standard. Mais je pense que je nomine aussi Hugo. Moi-même, pourquoi? Parce qu'au départ, c'était pas chaud. Ouais, j'avoue. Et puis, t'as mangé plus de riz que nous. J'ai pas compris. Moi non. Koh-Lanta. Non mais Sabri est fatigué. Non, toi, elle a compris ma blague, elle a resitué et puis ensuite elle... Non mais finalement on brûle. Il faut imaginer une histoire, tu sais, genre une aventure Koh-Lanta. Si on faisait Koh-Lanta tous ensemble, on serait les pires putes les uns envers les autres. Mais c'est chacun pour sa gueule, ouais. Mais imagine-toi un cran au-dessus. Tu sais, à la fin de la soirée, tout le monde s'est nominé. Bon alors Nessie, moi j'aime pas Hugo depuis le départ. Je le sens pas, il est mignon, en plus ça m'énerve. Je ne l'intéresse pas, il me trouve pas joli, donc je le déteste. Hugo, il aurait nominé Lilou pour simplement qu'elle sorte de l'émission pour pouvoir la sexer. J'en suis sûr. Je ne sortirai pas. C'est pas moi qui l'ai dit. Comment ça, c'est pas toi qui l'as dit? Ça non, veut c'est dire quoi, Hugo? On va gérer ça tout à l'heure. Non mais on est là. Mais il y a trop de gens là. Bon, tout le monde se nomine quoi. On va se retrouver lundi, même heure, même antenne, c'est même sûr. Ça c'est fun. L'aventure continue. Évidemment, ce week-end, on revient avec le replay. Rendez-vous à 19h hors des Antilles dimanche, juste derrière la Fly Session à 20h hors de Guyane. C'est monsieur Tijo Sound qui termine la soirée, histoire de vous ambiancer. Si ça se trouve, on va se croiser sur les dance floors tout à l'heure. Alors, c'est quoi le le premier son que t'as choisi de lancer de ta session. Tu as 4 minutes pour nous ambiancer, pour nous donner envie de sortir ce week-end. Ouais, putain, facile. On se retrouve lundi. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bye bye, bon week-end. Sauver sous ou sans lit, papa ou explication. Tout le monde a demandé pour qui ça lit. Courir, mais ou pas vous t'y répondre. Debout, ça c'est tisozo yo gagne. Debout, ça qu'on est voyo bakaret. Après ça, ouais, chita yel ma divine. Ou gèle, ouais, me semble maman. Debout, ça c'est tisozo yo gagne. Debout, ça qu'on est voyo bakaret. Après ça, ouais, chita yel ma divine. Ou gèlè ouè mwen semblè maman. Zozo tou chè, ou pa chè kan. Ou pa fout nan yè devan. Ou pan sou ka koupe fan. Mi pti tan konti moun sen. Zozo tou chè, chinem. Ou zè pavè pou fè de tan. Trois mouvements ou volè pou fè de lan. Ouè ouè, fè bon, fè bon, fè lan. Ouè ouè, fè bon, fè bon, fè lan.